Il neige. On suit les déambulations d'un petit chien qui zigzague en reniflant un trottoir. L'endroit semble désert. Le chien arrive au niveau de la roue d'un véhicule contre laquelle il se soulage. Il s'agit d'un corbillard. Le véhicule est garé devant une boutique. Sur la vitrine, on peut lire « Edmond Zweck, pompe funèbre ». La vitrine est encadrée d'une guirlande de Noël qui clignote rapidement. Le chien s'éloigne et on découvre une large rue déserte, bordée par des immeubles bas qui ressemblent à ceux d'une petite station balnéaire hors saison, mais perpétuellement hors saison, et la mer en moins. Des décorations lumineuses assez rudimentaires sont accrochées au réverbère. Une guirlande est suspendue en travers de la rue. Dans l'axe de cette rue, au loin, des collines enneigées jusqu'à perte de vue. Boutique, pompe funèbre. Dans la boutique, Eddie, un jeune homme d'une trentaine d'années, est occupé à couper les cheveux gris d'une vieille dame dont les yeux sont clos. Il porte un costume sombre. Je crois bien que le plus difficile dans ce métier, c'est que quoi qu'on fasse, on arrive toujours trop tard. Je m'y suis jamais fait à ça. Tes mèches de cheveux gris tombent sur le sol. Cabinet médical, salle d'attente. Georges, la soixantaine, est assis dans le coin d'une salle d'attente, parmi quelques patients qui attendent leur tour en silence. Il est vêtu d'une parka qui laisse entrevoir en dessous le même costume sombre que porte Eddie. Georges, après 40 ans de métier, il se posait pas tant la question. Ou il s'en posait plus. Je me souviens d'ailleurs quand il m'a dit un jour « Il y a deux personnes indispensables en ce bas monde, Eddie. La sage-femme et le fossoyeur. L'une accueille, l'autre raccompagne. Entre les deux, les gens se débrouillent. » C'est comme ça qu'il voyait les choses, lui. Georges fait mine de feuilleter un magazine, mais il observe discrètement les patients. Dans l'église. Zweck, un homme d'environ 60 ans, apparaît au bout de l'allée centrale. Il porte lui aussi le même costume qu'Eddie et Georges. Zweck s'approche de l'endroit où se trouvent les cierges. Les cierges neufs sont rangés selon leur taille et leur prix. Zweck cherche au fond de ses poches et n'y trouve que trois petites pièces jaunes. Il hésite un instant, regarde autour de lui, puis les glisse malgré tout dans le tronc. Les pièces tombent au fond du tronc vide dans un bruit qui résonne à travers l'église et attire aussitôt l'attention du prêtre, occupé près de l'autel. Zweck choisit l'un des cierges les plus chers. Il l'allume et le met en place. Puis il se signe et s'en va. Soupçonneux, le prêtre se dirige vers les cierges. Il ouvre le tronc et découvre que le comte n'y est pas. Il s'approche du cierge allumé par Zweck, l'éteint et le range avec les cierges neufs. Boutique pompe funèbre. Eddie donne encore quelques coups de ciseaux dans la chevelure de la vieille dame qui a toujours les yeux clos. Et voilà. Soudain, la vieille femme ouvre les yeux. Il s'agit de Madame Siska, 75 ans environ. Eddie prend un peu de recul pour apprécier le résultat. Puis il lui tend un petit miroir dans lequel elle se regarde longuement. Ça change, hein? Ah bah ça vous rajeunit surtout. Vous trouvez? Tenez. Ah non, non, non, non, non, pas question. Mais si, j'insiste. Non, non, vraiment. Vous allez me fâcher. Oh, vous exagérez. Allez. Eddie finit par lui tendre la main et accepte la pièce. Merci, Madame Siska. La vieille femme range son porte-monnaie dans son sac. Eddie se met à balayer les cheveux tombés au sol. C'est calme en ce moment, non? Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas débordé. Et vous savez, je devrais pas vous dire ça, mais moi, je préfère de loin quand c'est comme ça. Ça me déprime quand il y a du travail. Je comprends. Puis Eddie ouvre la porte de la boutique et fait voler les cheveux dehors d'un grand coup de balai. Zweck arrive au même moment. Intrigué, il observe un instant les cheveux sur les marches, puis il pénètre dans la boutique. Bonjour, monsieur Zweck. Zweck lui répond par un regard incendiaire, puis se tourne vers madame Siska. Madame Siska. Bonjour, monsieur Zweck, je me suis permis de passer. Je vois ça. Eddie adresse un regard rassurant à madame Siska, comme pour excuser le ton de Zweck. Madame Siska, je voudrais pas vous mettre dehors, mais c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de travail en ce moment, vous comprenez ? Alors moi, j'ai besoin de toutes les forces vives de mon entreprise. Puis il raccompagne la vieille femme jusqu'à la porte. C'est pas que ça me fait pas plaisir de vous voir, hein ? Au contraire. C'est que vous vous étiez tellement bien occupée de mon mari. Merci de votre confiance, madame Siska, mais votre mari, c'était, comment dire, différent. Vous comprenez ? Bien sûr, bien c'était sûr. C'était plus dans nos compétences. Bien sûr. Allez, hein, madame Siska, au revoir. Ah, faites attention à la marche. Oui, merci monsieur Zweig. À bientôt. Non, mais on est où là, hein ? Dis-moi. Eddie hausse les épaules, penaud. Ma fille a pas appelé ? Non, je crois pas. Comment ça, tu crois pas ? Non, je veux dire, je suis sûr, elle a pas appelé. Depuis que je suis là, en tout cas, pas d'appel. Rue boutique pompe funèbre. Georges marche sur le trottoir pensif. Il aperçoit madame Siska au loin sur le même trottoir. Il fait semblant de ne pas l'avoir vue et traverse la rue pour l'éviter. Georges pénètre dans la boutique. Il perçoit aussitôt la tension qui règne dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ? Bah alors quoi ? Quoi de neuf ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ceux que j'ai vus n'avaient pas l'air d'aller trop mal. Bah ni trop bien non plus, sinon ils n'auraient pas été chez le médecin, tiens. Bah, je pensais que t'allais pouvoir m'en dire plus. Georges ne répond pas et se dirige vers la réserve. Zweck le suit et se poste dans l'encadrement de la porte. Écoutez, Edmond, il faut pas m'en demander trop quand même. Je suis prêt à faire des efforts, mais tes méthodes là, ça me plaît pas beaucoup, tu vois. Puis laisse-moi te dire que c'est du temps perdu. Bon, alors j'irai moi-même la prochaine fois. Et toi, au lieu de rester planté là, t'as rien à faire, non ? Bah non, non. Bon, bah, tu vas commencer par aller laver la voiture, tiens. Comment tu veux qu'on nous fasse confiance avec un corbillard aussi dégueulasse ? Je l'ai lavé avant-hier. Ben, on se demande ce que tu fais avec, alors. Et puis moi, j'en ai marre, moi. Je me demande en quel honneur, d'ailleurs, je te laisserai t'en servir comme ça tous les jours. Sans compter l'essence que ça me coûte. C'est fini, ça. Allez, terminé. Tu vas me faire le plaisir d'aller t'acheter un vélo, tu vois. Ouais, si vous croyez que j'ai les moyens... Tu te démerdes. Et je vais faire comment, moi, pour venir bosser ? T'as qu'à passer ton permis. Il serait peut-être temps, non ? Non, mais c'est vrai, quoi. Faut dire, comme chef d'équipe, tu te poses là aussi, hein. Ouais, t'as vu un peu l'équipe. Attends, qu'est-ce qu'elle a l'équipe ? Zweck prend sur lui et va s'enfermer dans son bureau. Ah, excuse-moi, il m'a mis en colère, mais je pensais pas ce que j'ai dit. Eh ben, fallait pas le dire alors. Zweck ressort subitement de son bureau. Et puis, pendant que j'y pense, tiens, tu vas me rendre le téléphone aussi. Je viens de recevoir la facture ce matin, j'ai vraiment pas besoin de faire des dépenses inutiles en ce moment. Eddie, penaud, sort le portable de sa poche et le tend à Zweck qui le glisse dans la sienne. Zweck retourne dans son bureau. Georges adresse un sourire gêné à Eddie. Celui-ci enfile son manteau en faisant la tête. Puis il sort de la boutique. Georges se poste derrière la vitrine, pensif. Il regarde le corbillard qui démarre et s'éloigne. Puis il observe la rue déserte. Ses yeux tombent alors dans ceux du patron du restaurant La Pagode, qui, derrière sa vitrine, juste en face, observait lui aussi la rue. Il s'agit d'un restaurant chinois à la devanture typique. Le patron, pourtant, un homme d'une cinquantaine d'années, n'est pas d'origine asiatique. Georges lui fait un petit signe de la main. Le patron lui répond d'un signe de tête, puis disparaît. Boutique pompe funèbre, bureau Zweig. Zweig est assis derrière son bureau, songeur. Georges, assieds-toi. Faut que je te parle. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Georges ? Ça fait un bail, hein ? Ah, on peut le dire, oui. C'est pour ça, je vais pas te mentir, je vais te parler franchement. Je sais pas combien de temps on va pouvoir tenir comme ça, tu sais. S'il y a rien qui change, là, on passera pas l'hiver. Allez, bah, faut pas désespérer. Enfin, en tout cas, heureusement que t'es là, mon vieux. Je sais pas ce que je ferais, sinon. Tu veux que je te dise ? Si on est toujours à peu près sorti jusque-là, c'est bien parce qu'on a toujours su serrer les coudes dans les moments difficiles. Et que j'ai pu compter sur quelqu'un comme toi, qui a la trempe d'un vrai meneur d'hommes. Si. Non. Ouais, je le dis comme je le pense, Georges, c'est vrai. Je te l'ai peut-être pas dit souvent jusque-là, mais alors aujourd'hui, je te le dis. Jamais, Edmond. Comment, quoi ? Tu me l'as jamais dit, je m'en souviendrai. Peut-être bien que je te l'ai jamais dit, alors bon, c'est possible, mais parce que c'est pas dans mon caractère. Voilà. En tout cas, je te le dis maintenant, parce que c'est sans doute le moment de se dire les choses qu'on voudrait pas regretter plus tard de ne pas avoir su se dire. Tu comprends ? Non, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce que je disais déjà ? Que j'avais la trempe d'un vrai meneur d'homme. Ah oui, voilà, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, bon. Bah alors bon, écoute, pour faire court, voilà où je voulais en venir, c'est que je pourrais pas vous payer ce mois-ci, Georges, désolé, je pourrais pas. Corbillard, portique de lavage. Depuis l'intérieur du corbillard, on voit les rouleaux pleins de mousse du portique de lavage qui progressent le long des grands vitres à l'arrière du véhicule. Eddie est allongé à l'arrière du corbillard, à l'emplacement des cercueils, les yeux fermés et les bras le long du corps. Il fait le mort. Soudain, on entend un claquement sec. Ellipse. Eddie se tient face au corbillard mouillé et couvert de mousse. Les deux rétroviseurs déboîtés pendent de chaque côté du véhicule, comme des oreilles de cocker. Boutique pompe funèbre. Zweck sort de son bureau et passe devant Georges. Si ma fille appelle, je suis en face. Ouais. Restaurant La Pagode. Zweck est assis au comptoir, l'air abattu, le regard perdu en direction de la boutique, un petit verre d'alcool blanc posé devant lui. Le restaurant désert est décoré de quantités de chinoiseries de toutes sortes et d'assez mauvais goût. À proximité du bar, un grand aquarium à l'eau trouble, dans lequel nage un poisson japonais. Derrière le bar, le patron est penché sur un livre de cuisine chinoise. Il soupire et à son air, on comprend que les recettes lui paraissent très compliquées. Zweck se tourne alors vers le pilier de bar qui picore quelques cacahuètes. Pardon ? J'ai rien dit. Ah. Zweck aperçoit alors Madame Siska, emmitouflée dans son gros manteau d'hiver qui passe devant le restaurant. Leurs regards se croisent. Madame Siska esquisse un sourire gêné. Sans la quitter des yeux, Zweck s'adresse au patron. Tiens, tu m'en mets un autre, s'il te plaît ? Le patron interrompt sa lecture pour resservir Zweck et le pilier de bar. Zweck observe Madame Siska, qui s'apprête maintenant à traverser la route vers la boutique. Soudain, une fourgonnette lui passe juste sous le nez et manque de la renverser. Elle s'arrête net, jette un regard d'un côté, puis de l'autre, avant de s'engager sur la chaussée. Rue Boutique Pompe Funèbre. En même temps que Zweck, Georges observe également l'interminable traversée de la vieille femme. Les deux hommes échangent un regard, et voyant qu'elle se dirige vers la boutique, Georges soupire. Madame Siska, imperturbable, arrive saine et sauve de l'autre côté de la rue et pousse la porte de la boutique. Zweck, découragé, vide son verre d'un trait. Boutique Pompe Funèbre. Georges prend le pouls de Madame Siska en même temps qu'il regarde sa montre. Rien de grave, Madame Siska, faut pas vous en faire. On va pas vous garder pour si peu. Mais qu'est-ce que j'ai alors ? Bah ça, j'en sais trop rien, je suis pas médecin, moi. Pour nous, tout est plus simple, ça bat ou ça bat plus, c'est tout. Et là, en l'occurrence, ça bat. Le reste, ça dépasse mes compétences. Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, ces vertiges. Mais vous en faites pas pour si peu, vous nous enterrerez tous, Madame Siska. Zweck entre brusquement dans la boutique. Il s'approche de Madame Siska et la prend par le bras. Allez, Madame Siska, il faut nous laisser maintenant. On va être en réunion, là. Il la raccompagne jusqu'à la porte. Bien sûr, je comprends. Mais non, vous comprenez rien du tout, apparemment, parce qu'on vous l'a déjà dit 100 fois, c'est pas l'assistance publique ici. Allez, au revoir et bon vent. Zweck pose sa main dans son dos et ouvre la porte. Madame Siska quitte la boutique. Mais à peine Zweck a-t-il refermé la porte que la vieille femme manque une marche, dégringole le perron et s'étale sur le trottoir. Mais Georges et Zweck ne remarquent rien. Georges fait une petite moue à Zweck pour lui signifier qu'il y est allé un peu fort. Non mais c'est vrai aussi, quoi. Devant la porte, dans leur dos, le corbillard étincelant se gare. Eddie en descend précipitamment et se porte au secours de Madame Siska, qui tente de se relever avec difficulté. Cabinet médical, salle d'attente, intérieur nuit. Le médecin ferme la porte de son bureau à clé. Dans la salle d'attente, il remarque quelques cartes de visite étalées sur la table basse. Il en ramasse une. Sur la petite carte, on peut lire « Edmond Zweck, pompe funèbre ». Il soupire et jette les cartes de visite à la poubelle. Puis il éteint la lumière et s'en va. Boutique pompe funèbre, extérieur nuit. Dans la boutique, les lumières sont éteintes. Sauf celle du bureau de Zweck. Écoutez, monsieur, ce que je vous propose, c'est de vous faire parvenir un document qui vous donnera un aperçu de nos différentes formules. Et puis je vous rappelle d'ici quelques jours pour vous laisser le temps de réfléchir. Ah bon ? Ah, vraiment ? Alors dans ce cas, si vous préférez laisser ce souci à vos proches, libre à vous... Tant pis, oui. Ben, au revoir. Arrêt de bus, extérieur matin. Un arrêt de bus sous la neige, perdu au milieu de nulle part. Georges se tient droit comme un piquet dans son manteau sombre. Le corbillard arrive et s'arrête devant Georges. Eddie est au volant. Georges monte à bord. C'est pas trop tôt, dis donc. Ça fait deux fois que t'es en retard cette semaine. Puis Georges claque la portière. Le rétroviseur extérieur tombe contre la carrosserie, suspendu par un simple ressort. Ah merde. Ouais, attends, hey. T'as vu comment t'as refermé la portière ? C'est pas un camion, hein ? Georges, confus, ressort de la voiture et constate les dégâts. Je l'ai fermé normalement. Oui, t'appelles ça normalement, toi. Mais c'est pas toi qui vas me faire la leçon, quand même, non ? Non, mais hey, t'as beau dire, mais c'est moi qui trinque après. Zweck, il est capable de me retirer le prix de la réparation de ma paye. Ça m'étonnerait. Ah ouais, tu crois qu'il se gênerait ? Ça m'étonnerait. Pourquoi ? Vu qu'on sera pas payé ce mois-ci. Quoi ? Georges parvient à remboîter le rétroviseur, pas peu fier, puis regagne le corbillard. Ben c'est bon, on démarre. Corbillard, route vers la boutique pompe funèbre. Les deux hommes sont en route. Georges se penche alors pour ramasser quelque chose à ses pieds. Une épingle à cheveux qu'il examine longuement. C'est quoi ça ? Bah c'est une épingle à cheveux, non ? Oui, ça, je sais, merci. Mmh. Ce que je te demande, c'est d'où ça vient. Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi ? T'en sais rien, vraiment ? Mais non, je te dis que non. Je t'ai déjà dit que si Zweck apprend que tu te promènes et que tu sautes tes petites copines dans le corbillard, tu vas passer un sale quart d'heure, mon vieux. Et tu pourras faire une croix sur tes petits privilèges et venir chaque matin au boulot à pied. Et donc moi aussi, du coup. Tu me suis ? Je saute personne. Devant la boutique pompe funèbre. Le corbillard arrive à la boutique. Un beau coupé Volvo est garé juste devant et empêche Eddie de se garer à sa place habituelle. C'est pas vrai, regarde-moi cet empaffé, il y a de la place partout. Il faut qu'il se gare là. Eddie se gare alors à côté de la voiture, puis les deux collègues sortent du corbillard. Eddie devance Georges et s'apprête à entrer dans la boutique. Lorsqu'une boule de neige lancée par Georges lui passe à quelques centimètres de la tête et s'écrase juste devant lui sur la porte vitrée. Il se retourne aussitôt. Une bataille s'engage. Georges est touché en pleine tête. Eddie se précipite sur la porte de la boutique pour éviter sa riposte. Eddie entre dans la boutique hilar. Mais juste avant qu'il ait pu refermer la porte, depuis l'extérieur, Georges lance encore une boule qui vient s'écraser sur un cercueil en exposition. Eddie se retourne et croise alors le regard consterné de Zweck, assis à son bureau. Face à lui, un homme et une femme d'une soixantaine d'années. La femme a les yeux rougis par les larmes et tient un mouchoir dans sa main. L'homme semble avoir une attitude réconfortante à son égard. Il s'agit de la veuve et du frère d'un défunt. Eddie s'est arrêté de rire tout net. Madame, monsieur... Georges entre à son tour en poussant la porte comme une brute. Saligo, hein. Mais il se fige lui aussi, en s'apercevant que Zweck est en train de recevoir des clients. Je vous présente Monsieur Bron, mon bras droit. Georges, Madame Barthélemy, qui vient de perdre son époux, et Monsieur Barthélemy, le frère du défunt. Madame, Monsieur, mes sincères condoléances. Merci, monsieur. Oui, toutes mes condoléances. Merci. Votre époux est entre de bonnes mains, madame. Boutique Pompes Funèbres, bureau Zweig. Zweig est assis à son bureau, concentré sur une carte routière. Georges se tient debout à ses côtés, penché également sur la carte. Zweig suit une route avec son index, anxieux. Georges semble fébrile, comme on ne l'a jamais vu jusqu'alors. Ah oui, je vois. Mais c'est pas tout près, dis donc. Mais c'est parce que toute leur famille est enterrée là-bas. Et puis, tu vas pas t'en plaindre, non? On est payé au kilomètre. En plus, je peux te dire, elle n'a pas regardé la dépense, sa veuve, elle a pris ce qu'il y avait de mieux. Et il est mort de quoi, au fait? Le cœur. Zweig promène encore son doigt jusqu'au bord de la carte et désigne alors un point imprécis, dans le vide, juste à côté de celle-ci. D'après ce qu'ils m'ont dit, ça doit être juste là, tu vois. Ça n'a pas l'air trop compliqué, en tout cas, c'est quasiment tout droit, en fait, jusqu'au carrefour des ravines, et puis ensuite, il paraît que c'est bien indiqué. Non, pas de problème. Oui, alors, pour la messe, j'ai vu avec le prêtre, ce sera plutôt que prévu. 13h, hein, pas 14h30 comme on avait dit. Vous aurez bien 1h30 de route, en canton large, et avec les horaires d'hiver du cimetière, il vaut mieux que vous partiez plus tôt. Ça marche. Par contre, il faudra vous débrouiller sans moi, parce que là-bas, je suis obligé de rester ici. Ah bon? Oh, je réfléchis, je peux pas fermer tout l'après-midi, il faut que je sois là. C'est pas le moment de manquer une affaire, hein, parce que... Georges, je sens que ça redémarre, ça. Tu sais, la loi des séries. Faut penser à ça, la loi des séries, Georges. C'est que le premier, ma tête a coupé. Que le ciel t'entende. Boutique Pompes Funèbres sous-sol. Eddie est debout devant une table funéraire et tient dans sa main une chaussette de sport blanche avec des rayures rouges et bleues. On ne voit que les pieds nus du mort qui porte déjà son costume du dimanche. Eddie, immobile, le dévisage longuement, à la fois fasciné et effrayé. On découvre son visage, il s'agit d'un homme d'une soixantaine d'années. Derrière lui, dans l'embrasure de la porte, apparaît soudain Georges. Il observe discrètement Eddie. Tu fais quoi, là? Oh, putain. Je regardais. C'est bizarre, non? Cette immobilité, c'est... J'arrive pas à m'y faire. Ouais, c'est ça. Bon, mais en attendant, je t'avais demandé de finir. Alors, faut te secouer un peu, mon vieux, hein? Georges recoiffe un peu le mort. Il défroisse un faux pli sur sa veste, tire sur le bas de son pantalon. C'est quoi cette chaussette? Bah, c'est celle qu'ils nous ont donnée avec les affaires. Mais ça va pas avec son costume. C'est pas possible. Bah, pourquoi? Georges réfléchit, puis s'approche d'Eddie. Il lui remonte une jambe de son pantalon et s'aperçoit qu'il porte des chaussettes noires. Oh ben non. Boutique Pompes Funèbres, chambre funéraire intérieur jour. Des gerbes et des bouquets de fleurs sont posés par terre, tout autour du cercueil ouvert. Assis sur des chaises disposées autour du défunt, la veuve et le frère, un vieil homme ainsi qu'un jeune couple avec deux enfants qui ont du mal à rester calmes malgré les réprimandes de leur mère. Georges entre dans la pièce et s'approche du cercueil. Il est particulièrement pimpant. Il esquisse un sourire compassé et s'assure que tout va bien auprès du frère. Il aperçoit Zweig devant la porte qu'il appelle d'un signe de la main. Georges le rejoint. Dis-moi, je te l'ai dit ça, que la messe était avancée ou pas? Je ne sais plus. Encore plus tôt? 13h, à la place de 14h30. Ah, tu l'as déjà dit ça? Ah bon, c'est bon alors. Ah oui, au fait, j'ai appelé à la mairie, à Plaine. On aura deux ou trois gars sur place qui pourront vous donner un coup de main. Deux ou trois? Ils m'ont dit deux, sûr. Peut-être trois. Ça devrait aller, non? On va se démerder. Un vieil homme, un panier à provisions à la main, entre et passe entre Georges et Zweig, qui le regardent, intrigués et méfiants. L'inconnu s'avance vers le cercueil et s'arrête devant le mort. Il l'observe quelques secondes, se retourne, jette un bref regard en direction de la veuve et sans dire un mot, ressort de la pièce et repasse entre Georges et Zweig. Connais pas. Devant la boutique, extérieur nuit. Zweig, Georges et le prêtre se tiennent tous les trois devant la boutique, côte à côte. Le prêtre est vêtu d'une grosse doudoune orange et fume une cigarette. Le frère et la veuve sont en train de regagner leur voiture. À demain. Puis la voiture démarre et s'éloigne. Bon, eh ben voilà une affaire qui roule. Enfin, je veux dire que tout ça m'a l'air calé. Mais c'est bien comme ça que je l'avais compris. Y a plus qu'à. Le prêtre tire une dernière bouffée de sa cigarette et d'une piche nette se débarrasse du mégot. Eh bien, bonne soirée, messieurs, et à demain. À demain, mon père. Tandis qu'il s'éloigne, on entend une sonnerie brève. Le prêtre sort un portable de sa poche et lit le SMS qu'il vient de recevoir. Au fait, t'as eu ta fille ? Ben non. On est une semaine de Noël, j'ai aucune nouvelle. Tu vas voir que je vais encore me retrouver seul. Mais non, t'en fais pas. Elle va venir. À mon enterrement, ouais. Oh. Devant l'église, marche, parvis, extérieur jour. Les cloches de l'église sonnent le glas. Le corbillard étincelant est couvert de fleurs égaré au pied des marches. Zweig est en train d'essayer d'ouvrir les portes arrière du corbillard, fermées à clé. Au milieu des marches, la procession s'est immobilisée dans le sens de la descente. En tête de la procession, le prêtre et deux enfants de chœur, jumeaux et presque adultes, Pierre et Paul. Derrière eux, Eddie et Georges, se tiennent chacun d'un côté du cercueil qu'ils ont été contraints de poser à même les marches. Georges, grimaçant, se tient le bas du dos. Derrière le cercueil, pour tout cortège, la veuve et le frère du mort, un couple, et Madame Siska qui ferme la marche. Elle a les yeux cernés et porte une minerve suite à sa chute. Le frère jette un regard autour de lui, l'air étonné de voir aussi peu de monde. Il se penche vers la veuve. T'as bien pensé à prévenir tout le monde, hein, pour le changement d'heure. Je crois, oui. Comment ça ? Derrière la veuve et le frère, Madame Siska, curieuse, s'approche de l'autre couple. Excusez-moi, mais j'ai pas bien entendu à l'église. Il était doux au juste, ce monsieur. L'homme et la femme se regardent offusqués, sans lui répondre. Zweig, essoufflé et le visage écarlate, remonte rapidement les marches vers ses employés. Les clés, bordel, les clés. Oh, oh mince ! Eddie se met alors à chercher les clés en tapotant sur ses poches. Je te les ai pas données, non, Georges ? Ouais, c'est ça, ouais. Eddie continue de chercher plus méthodiquement. La veuve sort une petite plaquette de comprimé de son sac à main et en avale un. Le bedeau, un homme d'une soixantaine d'années, apparaît alors en descendant les marches. Il rejoint le prêtre et lui tend sa doudoune orange que celui-ci enfile par-dessus sa chasuble, sans se soucier des enfants de cœur qui, eux, grelottent sous leurs aubes. Eddie retrouve enfin les clés. Zweig le fusille du regard. Ellipse. Zweig referme les portes du véhicule. Le frère et la veuve recueillent quelques condoléances. Georges et Eddie prennent place à bord du corbillard. Eddie entr'ouvre la fenêtre pour s'adresser à Zweig. Excusez-moi, monsieur Zweig. On doit repasser à la boutique en revenant ou bien parce que vu qu'on va rentrer un peu tard... Non, non, c'est bon. Ouais. À demain. Georges, vous me faites ça bien, hein ? Tu me connais. Zweig lui répond par un clin d'œil, puis le corbillard démarre lentement, suivi de la voiture de la famille, à l'intérieur de laquelle le prêtre et ses enfants de cœur se sont coincés à l'arrière. C'est alors qu'arrive le pilier de bar, endimanché et rasé de près. Il passe juste devant le corbillard et regarde le convoi qui se met en route d'un air interloqué. Puis, il s'approche de Zweig. Dites voir, c'était pas prévu à 14h30 la messe? Ah, au début, oui, mais on l'a avancé à 13h. Ah, bah oui, évidemment, encore fallait-il le savoir. Zweck regarde le convoi s'éloigner jusqu'à le perdre de vue, soulagé. Allez, je vous paye un verre. Ah bah, non, j'en viens là, justement. Non, je vais rentrer chez moi, maintenant. Allez, un petit verre, vite fait. Bon, bah juste un petit, alors. Route sortie de la ville. Sur une longue route droite, à travers de larges étendues enneigées, le corbillard couvert de fleurs est suivi de près par la voiture de la famille. Dans le corbillard, Georges et Eddie sont silencieux. Eddie est concentré sur la route, tandis que le regard de Georges se perd sur le bas-côté. Georges se met à bâiller longuement, Eddie bâille en écho. Restaurant La Pagode. Le pilier de bar observe, dans l'eau trouble de l'aquarium, les évolutions gracieuses du petit poisson japonais, tout en mangeant des cacahuètes. Derrière lui, le patron tire une bière pression. Zweck est assis au comptoir, tout sourire. Il aime les cacahuètes, ton poisson? Le patron ne lui répond pas. Le pilier de bar laisse alors tomber une cacahuète dans l'eau de l'aquarium. Celle-ci disparaît au fond dans une épaisse couche de sédiments verdâtres, sans que le poisson n'y prête le moindre intérêt. Mais soudain, le château posé au fond de l'aquarium semble osciller. Oh, dis donc, le château, il a bougé? Le patron, indifférent, hausse les épaules. Sous les yeux exorbités du pilier de bar, le château oscille encore et une forme émerge à moitié de la vase. Ah mais regardez ça! Mais c'est quoi ce truc? On dirait un homard. C'est ça, ouais. Mais je vous jure, venez voir. Un homard? N'importe quoi. Tu penses bien que quand les Chinois m'ont vendu le resto, ils m'en auraient pas fait cadeau. Même une crevette qui m'aurait filé. Ah mais c'est vrai en plus! Oh putain. Oh ma merde. Alors ça, j'en reviens pas. Et au prix du homard, t'as pas fait une si mauvaise affaire, alors hein? Le homard s'enfouit sous la vase. Route colline. Le convoi est maintenant en pleine campagne, au milieu d'un paysage de collines douces enneigées. Les deux véhicules passent un grand carrefour sans signalisation. Voiture famille. Dans la voiture de la famille règne un silence pesant. Le prêtre se penche en avant. C'est encore loin? Pardon? Non, je vous demande si c'est encore loin. Tu sais, toi? Ah, à vrai dire, je voyais ça plus près. Faut dire que ça fait une éternité que j'y ai pas été non plus. Et puis, la dernière fois, j'étais pas passé par là. Ah. Corbillard, route colline. Georges, qui s'est endormi, la tête contre la vitre, est réveillé par une secousse. Oh là, j'ai dormi longtemps. Non, j'avais pas remarqué que tu dormais. On est encore loin? Je sais pas. Comment ça? Non, je sais pas. C'est quand même toi qui as vu l'itinéraire avec Zweck, non? Bah, c'est pas moi qui conduis, dis donc. Ouais, de toute façon, c'est toujours tout droit jusqu'au carrefour des Ravines, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais il a dit quasiment tout droit. Hein. Quoi? Attends, quasiment tout droit, ça veut dire quoi, ça? Bon, allez, accélère un peu, va, on n'y sera jamais. Eddie ne se fait pas prier. Il rétrograde et relance le moteur en jubilant. Oh, et si au moins on avait un gyrophare, ça serait différent. Ouais, ben regarde la route, s'il te plaît. Ouais. Tu veux? Voiture famille, route sinueuse. Surpris par l'accélération subite d'Eddie, le frère s'est laissé distancer par le corbillard. Pourquoi il accélère comme ça? Crispé à son volant et mal à l'aise sur les routes de plus en plus sinueuses, il tente de recoller au corbillard sans y parvenir. Tu laisses trop d'écart, là. Bon, tu veux prendre le volant, peut-être? À cause de cette succession de virages, les enfants de cœur pâlissent. Paul, je me sens pas très bien. Le prêtre ne lui répond pas et regarde droit devant lui. Pierre, moi non plus. On pourrait peut-être s'arrêter 2 minutes? Bon, ouvrez un peu la fenêtre. L'air frais, ça fait du bien. Paul pose sa main sur la manivelle de la fenêtre, mais le prêtre intervient. Vous prendrez l'air en arrivant. On y est bientôt. J'ai la gorge fragile, moi. Au moindre courant d'air, je suis bon pour une angine. Corbillard, route sinueuse. Malgré les virages incessants, Eddie maintient une certaine allure. Georges ne semble pas rassuré par la conduite de son collègue et se tient à la poignée au-dessus de la vitre. Pourquoi t'as jamais eu ton permis, toi, au fait ? Je t'en pose des questions, moi. Bah, tu peux, moi, ça me dérange pas. Ouais, mais j'ai rien à te demander. Ok. Ok. Et tu voulais faire quoi, toi, quand t'étais gamin ? Ce que je fais, là. Mais c'est ça, arrête. Mais si, je te le dis, mais qu'est-ce qui t'étonne ? Bah, rien, non ? Enfin... Non, au contraire, franchement, je trouve ça bien de pouvoir réaliser ses rêves d'enfant. Bah, mais c'est pour ça que je suis pleinement épanoui, comme tu vois, là. Ouais, c'est sans doute pour ça, ouais. Bon, mais regarde un peu l'heure qu'il est. On devrait déjà être arrivé. Zweig m'a dit 1h30 en comptant en large. On a fait combien de kilomètres, là ? Et t'inquiète pas, ils connaissent le chemin par cœur derrière, et puis ils nous auraient déjà fait des appels de phare si on s'était trompé. Voiture famille, route sinueuse. Les enfants de cœur sont maintenant immobiles, le regard vague, le moindre mouvement leur est devenu insupportable. Vous êtes sûr qu'on n'est pas en train de faire un détour, là ? Non, mais il roule comme un dingue, ma parole. Ne vous inquiétez pas, mon père. Ils connaissent le chemin devant. On devrait plus être trop loin, maintenant. Hein ? Dans une descente délicate, le frère n'aperçoit plus que de temps en temps le corbillard, de moins en moins souvent, de plus en plus loin. Jamais aimé les descentes, moi. Soudain, il manque un virage. La veuve pousse un cri. La voiture quitte la route, file tout droit dans la neige, dévale une pente et défonce un panneau baignade interdite. Puis, le véhicule entame une très longue glissade, en même temps qu'une série de têtes à queue. Comme un galet sur une piste de curling, le véhicule finit par s'immobiliser. Oh, bon sang. Ça va, toi ? La veuve soupire en touchant du bout des doigts la petite blessure qu'elle s'est faite au front. Ça va derrière ? La voiture est comme une petite tache noire au beau milieu de cette étendue glacée. La vitre arrière gauche descend et Paul s'empresse de passer la tête au dehors pour vomir. Corbillard, route sinueuse. Eddie, qui ne s'est aperçu de rien, jette un œil dans son rétroviseur. Il n'y voit plus la voiture de la famille. Il ralentit franchement jusqu'à rouler au pas. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, ils sont plus derrière nous. Comment ça ? Mais je sais pas. J'ai regardé, ils étaient là, et puis après, j'ai pu regarder, et puis quand j'ai regardé à nouveau, ils étaient plus là. Si tu parlais un peu moins aussi, tu penserais peut-être à regarder dans le rétro un peu plus souvent. Bon, arrête-toi, va. Eddie se gare sur un petit chemin parallèle à la route. Voiture famille, lac gelé, fin d'après-midi. Le prêtre et la veuve jettent un œil sur leur téléphone et constatent chacun qu'ils n'ont pas de réseau. Le prêtre pousse un petit soupir agacé. De son côté, le frère tente de redémarrer le moteur. Après plusieurs tentatives, il y parvient enfin. Les passagers sont tendus. Il engage une vitesse et accélère, mais les roues se mettent à patiner. Il perd son sang-froid et accélère franchement. Le moteur monte en régime et les roues patinent de plus belle. Soudain, la glace cède sous les roues, si bien que la voiture pique du nez et que le train avant s'enfonce entièrement dans l'eau. Paniqués, les enfants de cœur poussent un cri à l'unisson. Ne bougez pas, surtout ! Tout le monde se cherche du regard, tandis que le prêtre se met à prier, en silence, sous les regards affolés de Pierre et de Paul. Je crois que nous allons tous le rejoindre. Oui, ben... ce sera sans moi, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? On fait quoi, maintenant ? Le plus sage, c'est d'attendre. Attendre ? Mais attendre quoi ? Ils vont bien finir par se rendre compte de ce qui s'est passé. Je suis sûr qu'ils nous voient de là-haut et que ça le fait bien rire. Ah oui ? Parce que tu trouves ça drôle, toi ? Moi non, mais lui, tu le connais. S'il nous voit de là-haut, je suis sûr que ça le fait bien rire. Puis, avec des gestes lents, la veuve sort de nouveau une petite boîte de comprimés de son sac à main. Elle en prend un, qu'elle avale sans eau, et range la boîte dans son sac. Bon, vas-y doucement avec ça, quand même. Cimetière de plaine. Au cimetière, deux hommes d'environ 40 et 50 ans patientent en bavardant. Ce sont deux fossoyeurs communaux. Boris est assis sur un madrier posé au-dessus d'un caveau ouvert. Lorenzo, lui, est assis sur le coin de la tombe d'à côté, une canette de bière à la main. Alors, pension complète, piscine, la plage à 50 mètres. Si tu veux, t'as des excursions tous les jours, des animations tous les soirs. Ok ? Pour le prix, je peux te dire que ça vaut le coup. Boisson comprise ? Bah non, quand même. Bon, une heure de retard. Jamais vu ça, moi. Au bord de la route. Georges fait les 100 pas derrière le corbillard, puis s'assoit sur le pare-choc arrière. Eddie est au bord de la route et regarde au loin. On devrait peut-être y aller, non ? Où ça ? Mais Georges, à leur recherche. Alors ça, sûrement pas. Un corbillard ne fait pas demi-tour, jamais. C'est une question de principe. Si t'as une seule chose à retenir dans ce métier, c'est bien ça. On aurait l'air de quoi ? On attend alors ? Je leur donne 5 minutes, pas plus. On est payé pour enterrer le défunt, on n'est pas pour courir après la famille. Tant pis pour eux s'ils veulent pas nous suivre. Non mais Georges, ils nous suivaient. Ils ont dû changer d'avis, qu'est-ce que je te dise Lac gelé. La voiture est toujours au milieu du lac. C'est dans ces moments-là que l'on mesure pleinement le sens de la prière. Bon, oui, mais concrètement, on fait quoi là ? On ne décide de rien, justement, jamais. Serait temps que vous en preniez conscience. Le frère donne désespérément des grands coups de klaxon qui se perdent dans la nuit. Corbillard, bord de la route, tombée du jour. Un petit vent glacial s'est levé. Georges et Eddie ont regagné le corbillard. Mais à mon avis, ils ont dû vouloir prendre un raccourci au dernier carrefour et ils sont sûrement déjà au cimetière à nous attendre. Alors, je crois qu'il faut appeler Svek, là. Oh, alors, à toi l'honneur. Passe-moi le téléphone. Confisqué, je t'en rappelle. Bon, on y va, alors. Eddie met le contact et le corbillard démarre. Voiture famille, lac gelé. Dans la voiture, sur le lac, l'angoisse est de plus en plus palpable. Dehors, le vent semble s'intensifier et souffle par rafale en soulevant un peu de neige. Oh, il faut qu'on sorte de là. Bon sang, ils nous trouveront jamais sans ça. Je ne crois pas que ce soit le bon choix. Je suis d'accord avec vous, mon père. Oui, mais ces grincements-là, vous entendez ? C'est normal, ça. Mais il faut que quelqu'un aille chercher du secours, on va pas passer la nuit ici. Et si vous cassez une jambe en y allant, avec le froid qu'il fait, je donne pas cher de votre peau. Mais j'ai pas dit que j'avais l'intention d'y aller. J'ai dit qu'il fallait que quelqu'un y aille. Quelqu'un d'assez léger. Paul, c'est pas toi qui voulais prendre l'air tout à l'heure ? Oui, mais ça va maintenant, hein. Le prêtre lui tend son portable. Allez. Paul s'éloigne à pas craintifs dans le faisceau des phares de la voiture. Il porte la grosse doudoune orange du prêtre. Paul disparaît au loin, au son des grincements de la glace. Cimetière pleine nuit. Lorenzo, le plus âgé des fossoyeurs, ferme la grille du cimetière à clé en râlant. Faut pas déconner, non ? T'as vu l'heure ? Mais ils nous prennent pour qui ? Demain, j'appelle chez eux, ils vont m'entendre. Puis il rejoint son collègue qui l'attend sur une petite moto qui fait un bruit de casserole. Il monte à l'arrière et les deux hommes s'éloignent sur l'engin. Voiture famille, lac gelé. Malgré le froid, le prêtre a entrouvert sa vitre pour fumer une cigarette, son bras tendu à l'extérieur. Depuis la voiture, dans la lumière des phares, on aperçoit soudain Paul, l'enfant de cœur, qui réapparaît au loin en courant tant bien que mal sur le lac gelé. Il glisse et chute à 2 reprises. Le téléphone du prêtre tombe sur la glace. Mais c'est pas vrai, fais un peu attention, bon sang ! Paul le ramasse et poursuit sa course vers la voiture, l'air affolé. Qu'est-ce qui se passe ? Ça capte pas là-bas non plus. C'est que t'es pas allé assez loin. Oui, mais je crois que j'ai vu un renard. Un renard ? Et alors ? T'es pas une poule ? Le prêtre se tourne alors vers Pierre, qui fait semblant de ne pas saisir ce que signifie ce regard. Allez, tu l'accompagnes. Oust ! Moi ? Corbillard, route, carrefour, autre direction. Eddie et Georges sont arrêtés à un carrefour. Face au corbillard, 3 panneaux indiquent les étangs, Verdon et autre direction. Eddie fronce les sourcils. Alors là, je comprends pas. On est perdu, c'est ça ? Bah, c'est-à-dire, là... On est perdu, oui ou non? On peut dire ça comme ça, ouais. 40 ans de métier pour en arriver là. Lac gelé. Sur le lac, les phares de la voiture de la famille sont allumés mais faiblissent déjà. En plus du vent qui redouble, il se met à neiger. Le frère klaxonne. À chaque coup d'avertisseur, les phares semblent s'éteindre, puis reprennent un peu de vigueur. Ils finissent par s'éteindre pour de bon, en même temps que le klaxon se tait. Corbière route. Georges et Eddie roulent un petit moment, silencieux et tendus. À cause des bourrasques de neige, la visibilité est très réduite. Soudain, le voyant rouge de la jauge à essence s'allume sur le tableau de bord. Eddie se tourne vers Georges qui lit l'inquiétude sur son visage. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il n'y a rien. Station service. Le corbillard est garé devant une pompe à essence dans une petite station service perdue et visiblement fermée. Il neige toujours autant. Eddie a les mains comme des œillères, le nez collé à la vitrine de la boutique et tente de voir à l'intérieur. Georges a décroché le pistolet de l'une des pompes et le manipule nerveusement dans l'espoir d'en faire sortir de l'essence. Dans un accès de colère, il cogne violemment le pistolet à plusieurs reprises contre la pompe. Eddie attend que son collègue se calme avant de s'adresser à lui. Bon, on ferait mieux de passer la nuit ici, tu sais. Demain, à l'ouverture, on pourra prendre de l'essence et demander notre chemin. Ce que je comprends pas, ton Dieu, c'est que t'as fait le plein juste avant de partir, non? Si tu crois que Svek, il m'a donné assez pour faire le plein... Bah... Comment ça? Mais je lui ai dit, pourtant, je lui ai dit. Et il m'a répondu que ça suffirait bien pour la route qu'on avait à faire. Et ben voilà. Boutique pompe funèbre, bureau Svek. Intérieur nuit. Svek s'est assoupi, assis à son bureau. Soudain, il se réveille en sursaut et tombe les yeux dans les yeux avec sa fille en photo dans un petit cadre posé sur son bureau. Il regarde sa montre, pose sa main sur le téléphone, semble hésiter, puis décroche le combiné et compose un numéro. On entend la tonalité de la sonnerie. Appartement de Sarah. Sur une table basse, un jouet d'enfant, un téléphone très coloré, à cadran, avec de gros yeux. On entend la sonnerie d'un téléphone portable posé à proximité du jouet. Une silhouette féminine s'approche de la table et se saisit du téléphone. Il s'agit de Sarah, une jeune femme d'une trentaine d'années. Sur l'écran de l'appareil est affiché « Papa ». Sarah décide de ne pas décrocher. Dans son bureau, Svek raccroche mélancolique. Il s'extirpe difficilement de son fauteuil et quitte la pièce. Corbillard, station-service. Georges et Eddie sont dans le corbillard. Le pare-brise et les vitres sont recouverts d'une couche de neige. Les deux hommes soufflent dans leurs mains pour se les réchauffer. Heureusement que ma femme est chez sa sœur, elle se serait fait un sang d'encre. Et au fait, tu sais que je l'ai jamais rencontrée. Et alors? Tu voudrais que je t'invite à dîner ou quoi? Ben non, ben ça va, je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Georges semble hésiter, puis plonge sa main dans la poche de sa veste pour en retirer son portefeuille. Je dois avoir une photo. Il ouvre son portefeuille et en sort quelques papiers parmi lesquels il cherche la photo de sa femme qu'il finit par trouver. Il tend la photo à Eddie. Sur la photo, on découvre une femme à l'air très austère. Ah ouais, ouais, elle est... Ouais. Elle est quoi? Bah non, je veux dire, elle a l'air sympathique, quoi. Puis, pour changer de sujet, Eddie s'intéresse à une autre photo que Georges tient dans sa main. Et ça, c'est quoi? Georges lui tend alors la photo, découpée dans un catalogue, sur laquelle on découvre un monument funéraire surdimensionné, de très mauvais goût, façon temple grec. Ça, c'est notre dernière demeure. On l'a choisie tous les deux. Ah ouais? On n'a jamais eu les moyens de se payer une maison de notre vivant. Alors, pour après, ben, on voulait quelque chose de bien. Ouais. Et vous n'êtes pas pressé d'emménager, j'espère. Et je peux te dire que ça nous a coûté un bras. J'ai même pas encore fini de payer. Et puis, franchement, tu te balades au cimetière, tu vois une tombe comme ça, qu'est-ce que tu te dis? Bah, je me balade pas au cimetière, alors... Oui, bon... Mettons que t'ailles sur la tombe de quelqu'un et que tu passes devant la mienne. Qu'est-ce que tu te dis? Eh ben, tu te dis que vu le monument Et ce que ça a dû coûter, ce mec-là, c'était pas un tocard. Bah ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Voiture famille, lac gelé. Dans la voiture couverte de neige, tout est calme. Les enfants de chœur ne sont toujours pas revenus et le prêtre a pris ses aises sur la banquette arrière. Le frère ne dort pas, il jette un regard dans le rétroviseur intérieur et voit le prêtre endormi. Il en profite alors pour poser délicatement sa main sur celle de la veuve. Celle-ci ouvre les yeux, le regard embrumé par l'effet des tranquillisants. Le frère prend tendrement sa main et y pose un baiser. Puis le frère jette un nouveau regard dans le rétroviseur et voit les yeux du prêtre grands ouverts. Il lâche aussitôt la main de la veuve. Le prêtre se cherche une position plus confortable et referme les yeux. Corbillard, station-service. Eddie et Georges sont en pleine conversation. Et est-ce que tu crois qu'on est plus longtemps pané ou alors plus longtemps mort, toi ? Quoi ? Non, je veux dire, attends. Est-ce que tu crois qu'on passe plus de temps à n'être pané ou à être mort ? C'est kiff-kiff. Ouais, mais c'est un peu facile comme réponse, hein. C'est ta question qui est stupide. Ah ouais ? Et tu sais, toi, par exemple, que parmi toutes les étoiles que tu vois là, il y en a qui n'existent plus depuis longtemps et pourtant elles brillent encore pour nous, tu savais ça ? Complètement indifférent à la tirade d'Eddie, Georges se penche vers la jauge à essence. Il en reste vraiment plus ? Ben, un tout petit peu peut-être. Mais faudra en garder pour remettre un peu de chauffage plus tard quand on aura vraiment froid. Oui, j'ai déjà vraiment froid, moi. Restaurant La Pagode. Assis derrière le bar, le patron est de nouveau penché sur ses livres de cuisine chinoise. Ah, ben, ça m'a l'air pas mal, ça. Il s'adresse ensuite au pilier de bar. Dis donc, je vais pas tarder à fermer, moi. Hein. C'est alors que Svek pousse la porte du bar, l'air sombre. Messieurs. Tiens. Svek s'approche des deux hommes, leur serre mollement la main et s'accoude au bar. Il y a quelque chose qui va pas ? Si, si, ça va. Vous faites quoi, Noël, vous ? Corbillard, station-service. Georges et Eddie sont recroquevillés dans leur manteau. De la buée sort de leur bouche. Georges n'a pas l'air bien. Sa respiration est saccadée. Il se met à trembler, à se raidir. Eh, t'as froid ? Je rallume si tu veux. Georges secoue la tête pour dire non. Les yeux fixes. De plus en plus crispé et tremblotant, il a du mal à respirer. J'étouffe, bordel. Eh, tu veux que j'ouvre un peu ? Georges acquiesce d'un hochement de tête nerveux. Eddie baisse aussitôt sa vitre. Ça va comme ça ? J'ai peur, putain. Mais t'as peur de quoi ? J'en sais rien, j'ai peur, je te dis. Mais il n'y a pas de raison d'avoir peur, Georges. Je veux pas crever, Eddie. Quoi, t'as mal quelque part ? Georges est maintenant pris de véritables convulsions. Donne-moi la main, va. Quoi ? Donne-moi la main, s'il te plaît. Je veux pas crever, putain. Eddie hésite un peu, gêné, puis tend sa main à Georges, qui la saisit fermement. Ellipse. Georges tient encore la main d'Eddie dans la sienne, mais semble apaisé maintenant. Ça va, tu te sens mieux ? Georges acquiesce d'un bref hochement de tête, encore prostré et parcouru de légers tremblements. Oh là, tu m'as fait une de ces peurs, hein. Oh, j'ai bien cru que t'allais y rester, hein. J'aurais fait quoi avec deux macabées sur les bras? Ah, je pensais que ça m'arriverait plus. Et... Mais c'était quoi? C'est rien, c'est nerveux. Oh mince. Oh, tu peux mettre le chauffage au moins 2 minutes? Si tu me lâches la main, ouais. Georges libère la main d'Eddie. Celui-ci redémarre avec difficulté le moteur et met le chauffage au maximum. Et tu le gardes pour toi, hein. De quoi ? C'est mes histoires, là. Hein ? Tu le gardes pour toi, puis tu t'en reparles plus. D'accord ? Eddie acquiesce d'un hochement de tête. Thank you. Station-service extérieur, levée du soleil. Le soleil vient de se lever. Le ciel est dégagé. Le vent est tombé et il ne neige plus. Le corbillard est à la même place, mais complètement recouvert d'une épaisse couche de neige. Une femme, chaudement vêtue d'un blouson d'hiver, arrive prudemment à mobilette à la station-service. Il s'agit de la pompiste. La femme retire son casque et ses gants. Interloquée, elle considère le corbillard dont on ne distingue plus l'intérieur. Lac gelé extérieur, levé du soleil. On aperçoit la Volvo complètement blanchie par le givre. L'avant du véhicule est encore plus enfoncé dans la glace. Deux chiens tournent autour en aboyant. Station service. La pompiste s'approche prudemment du corbillard. Oh, il y a quelqu'un ? N'obtenant aucune réponse, elle saisit un grattoir posé sur la pompe à essence et s'approche de la fenêtre côté passager. Elle commence à dégager la vitre pour voir à l'intérieur. On découvre alors soudain les yeux écarquillés de Georges qu'elle vient de réveiller en sursaut. Dans un mouvement réflexe, la pompiste perd l'équilibre sur le sol verglacé et chute sur le dos. Lac gelé. Au même moment, le chasseur gratte la vitre arrière de la Volvo. Il tombe nez à nez avec le prêtre. Le chasseur perd l'équilibre sur la glace et chute sur le dos. Station-service, boutique. L'intérieur de la station est décoré de quelques guirlandes et d'un petit sapin. À la caisse, les traits tirés, les cheveux en bataille, encore frissonnants, Georges se tient face à la pompiste. Celle-ci se masse un peu le bas du dos en grimaçant. Derrière lui, Eddie est en train de presser frénétiquement le bouton du monnayeur d'une machine à café. Excusez-moi, mais votre machine à café vient de me bouffer une pièce. Ça arrive. Et alors ? Ben, je peux rien faire. J'ai pas les clés. Faut attendre le patron. Pardon ? Faut attendre le patron. Il sera là dans une heure. C'est lui qui ouvrira la machine et qui verra si vous avez mis une pièce, oui ou non. Mais comment ça, oui ou non ? Si je vous dis que j'ai mis une pièce, vous allez me la rembourser, c'est tout. Mais je vous dis que j'ai pas le droit tant qu'on n'est pas sûr que vous avez vraiment mis une pièce. Faut attendre le patron, c'est tout. Ce serait trop facile, sinon... Non mais, je rêve. Bon, Eddie, tu viens ? Ouais, j'arrive. Mais Eddie s'attarde devant un présentoir avec des cartes routières. Il en déplie une sur laquelle il se penche. On touche pas, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi, mais en fait, je me suis permis de regarder parce qu'on doit aller à Plaine. Plaine ? Ouais, ça vous dit quelque chose ? Vous trouverez pas ce bled sur une carte. Mais vous avez de la chance, vous êtes pas loin. Le visage d'Eddie s'illumine. Boutique, pompe funèbre, appartement Zweig, cuisine, intérieur matin. Zweig est assis à table, en train de prendre son petit déjeuner avec des gestes lents. Encore en pyjama, il a l'air d'un petit vieillard fragile. Le téléphone sonne. Retrouvant son aplomb habituel, Zweig se lève aussitôt et se dirige vers le téléphone. Allô ? Oui, c'est moi ? Oui. Quoi ? Lac gelé. Le soleil brille, le ciel est bleu, le vent est tombé. Au bord du lac, la Volvo vient d'être remorquée à l'aide du treuil de l'un des deux 4x4 des chasseurs. Trois chasseurs, en tout, ainsi que le frère, s'affairent maintenant autour des véhicules et tentent de faire redémarrer la Volvo à l'aide de câbles branchés sur la batterie de l'un des 4x4. Après plusieurs tentatives, le moteur démarre enfin. Le frère, assis au volant, sort de la voiture et rejoint la veuve et le prêtre. C'est bon, ça marche. On va pouvoir y aller alors. Mais où ça ? Au cimetière, pardi. Ça n'a plus de sens d'y aller maintenant, si je peux me permettre. Ils n'ont pas passé la nuit là-bas à nous attendre. Mais vous avez tout à fait raison, mon père. Mais ils sont sûrement toute la journée. On verra bien, on avisera là-bas, mais je veux y aller. Mais puisqu'on te dit que... Encore merci, messieurs. Merci infiniment. La veuve fait le tour du véhicule. On y va. Elle prend place à l'avant de la Volvo, côté passager. Le frère et le prêtre traînent les pieds, mais sont bien obligés de la suivre. Ils s'approchent aussi des chasseurs pour leur serrer la main, suivis des enfants de cœur. Merci, et que Dieu vous garde. Puis le prêtre regagne la voiture, le blouson de l'un des chasseurs sur son dos, sans que celui-ci, gêné, n'ose le lui réclamer. Corbillard, route vers la forêt. Le corbillard roule en direction d'une forêt qu'on aperçoit à l'horizon. Et s'ils nous ont attendus là-bas toute la nuit, mais on va leur dire quoi? Mais tu crois pas que c'est plutôt à eux de nous donner des explications? C'est quand même eux qui étaient censés nous suivre, non? Pas l'inverse. Et puis, qu'ils y soient ou pas, tu sais, je m'en fous pas mal maintenant. On va le mettre dans son trou, puisque c'est ce qu'on nous a demandé de faire. Et puis on n'en parle plus, puisque j'en ai ras le pompon, moi. Et si on nous pose des questions, ben dans ce cas, on dira qu'on a eu une panne, qu'on a dû trouver un garage et que le temps de réparer, ben voilà quoi, c'est des choses qui arrivent. Ouais, le joint de culasse par exemple. Ben par exemple, ouais, voilà, ouais. Le joint de culasse, ça fait sérieux ça, oui. Voiture famille, route du lac. Le silence règne dans l'habitacle. Le prêtre somnole à l'arrière. Soudain, son portable reprend vie. On entend plusieurs sonneries brefs qui signifient qu'il vient de recevoir une succession de SMS. Le prêtre ouvre les yeux et s'empresse de jeter un œil sur son portable. Corbillard, route à travers la forêt. Le corbillard pénètre dans une grande forêt, traversée par une interminable route droite jusqu'à perte de vue. Le soleil du matin brille à travers les branches des arbres, dénudés et couverts de givre. Eddie lutte contre la fatigue. Georges le remarque et frappe dans ses mains pour le tenir éveillé. Oh ! Eddie sursaute et se force à ouvrir grand les yeux. Puis, il actionne les essuie-glaces en projetant du liquide de lavage sur le pare-brise. Mais avec la saleté de la vitre, Eddie perd alors toute visibilité. Oh merde ! Arrête ça, enfin ! Georges attrape la manette dans le but d'arrêter l'essuie-glace, mais ne fait que projeter une fois de plus du liquide sur le pare-brise. Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est alors qu'un animal traverse soudain la route, juste devant le corbillard. On aperçoit que sa forme floue à travers la vitre sale. Eddie donne un coup de volant pour l'éviter. Le corbillard dévite sa trajectoire et mord sur le bas-côté. Attention, attention ! Oh putain, merde, merde ! Le véhicule vibre de partout, à cheval entre la route et le bas-côté enneigé. Georges et Eddie sont secoués comme des pantins. À l'arrière, le cercueil quitte son logement. Eddie donne un brusque coup de volant. Le cercueil cogne dans les portes arrière. Et les défonce tel un bélier. Eddie parvient à reprendre le contrôle du véhicule. Le corbillard s'immobilise en travers de la route après un long dérapage. Ça va, Georges ? Georges se masse longuement la tempe du bout des doigts. Eddie fait quelques mouvements de la tête en se passant la main dans la nuque. Soudain, ses yeux tombent dans le rétroviseur intérieur. Il blêmit. Oh putain. Eddie met les feux de détresse et descend du corbillard. Georges se retourne à son tour et voit lui aussi que les portes arrière sont grandes ouvertes et que le cercueil n'y est plus. Il descend et rejoint Eddie. Route à travers la forêt, fossé. Georges et Eddie se tiennent au milieu de la route, atterrés. Derrière eux, les feux de détresse du corbillard clignotent. Eddie secoue la tête. Je crois qu'on a touché le fond, là. Le cercueil est disloqué sur l'asphalte et des morceaux de bois jonchent le sol de toutes parts. Un peu plus loin, le mort gît dans la neige, sur le ventre, les jambes sur la route et le haut du corps dans le fossé. Bon, allez, il faut se dépêcher maintenant. Georges se met à ramasser quelques débris du cercueil. Il s'interrompt pour en soupeser un et l'examine de près. Du chêne. Mais tu parles du sapin de merde, ouais. Ça, c'est bien les méthodes Asfec. Ça, la vieille escroc, va. Puis il tend les débris à Eddie, toujours pétrifié, au milieu de la route. Allez, secoue-toi, là, hein, oh. Rapproche le corbillard. Si quelqu'un passe par là, on aura l'air malin. Les bras chargés des fragments du cercueil, Eddie se dirige vers le véhicule et les jette à l'arrière. Georges ramasse d'autres débris. Il se retourne pour presser son collègue et découvre que celui-ci a passé un gilet fluorescent et s'éloigne maintenant du corbillard avec un triangle de signalisation à la main pour le poser plus loin au bord de la route. Eddie, bordel, mais qu'est-ce que tu fous ? Réveille-toi un peu, merde ! Eddie revient vers le corbillard, remonte à bord et le déplace en marche arrière pour l'approcher du mort. Puis, il redescend du véhicule. Il porte toujours son gilet fluorescent et un mouchoir qu'il s'est noué dans la nuque pour se couvrir le nez et la bouche. Tu joues à quoi, là ? Je préfère prendre mes précautions. Mais à quoi ça sert ? C'est pas contagieux, la mort, tu sais, c'est héréditaire. Tu peux garder ton mouchoir pour pleurer. Tiens, vas-y, descends-toi. Prends-le sous les bras, moi je vais le prendre par les chevilles. Ah non, et si on tirait plutôt par les pieds, ce serait pas plus simple, non? Mais c'est des méthodes d'assassins, ça. Oh, on n'est pas des assassins, nous. Fais comme je te dis. Eddie soupire et descend dans le fossé. Le mort est étendu sur le ventre, le visage enfoui dans la neige. Eddie prend son courage à deux mains et tente de retourner le corps sur le dos, du bout des doigts, si bien qu'il n'y parvient pas. Allez, bon sang, qu'on en finisse. Ouais, bah, minute, hein, t'as qu'à le faire toi-même, alors. Oh, tu sais comment tu me parles, là? Je rêve ou quoi? Tu vas la mettre un peu en veilleuse, hein? Eddie proteste un peu et s'y prend alors franchement. Il parvient enfin à retourner le mort sur le dos. Un mince filet de sang s'écoule de l'une des narines du mort. Eddie blêmit. Il retire son mouchoir et cherche aussitôt le regard de Georges qui fixe lui aussi le défunt stupéfait. T'as vu là? C'est normal ça? Ah ben merde. Ça saigne en mort? Soudain, au moment où Georges détourne le regard, Eddie est témoin d'un infime tressautement de la paupière du mort. Ah merde, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Dans un mouvement de panique, il bondit à l'aurore du fossé et regagne le corbillard à la hâte. Qu'est-ce que c'est? Georges s'enfuit également. Eddie démarre le corbillard sans attendre que Georges s'installe à ses côtés. Mais tu fais quoi là? Georges court sur quelques mètres à côté du véhicule avant de pouvoir monter en marche. Le corbillard s'éloigne à toute vitesse, abandonnant le mort dans le fossé. Voiture Zweig, route sinueuse. Zweig, la mine grave, est au volant de sa voiture et roule à vive allure. Corbillard, route à travers la forêt. Le corbillard est à l'arrêt. Georges et Eddie sont silencieux. On fait n'importe quoi, là. Hein. Moi, je suis sûr de ce que j'ai vu, Georges. J'en suis sûr. Et toi aussi, tu l'as vu. On doit être en train de rêver. C'est pas plus compliqué. Mais on peut pas faire le même rêve tous les deux, quand même. Non, mais je veux dire, je suis en train de rêver et toi, t'es dans mon rêve. Okay. Ou alors, c'est toi qui rêves. Enfin, peu importe. Ouais. Regarde un peu derrière si c'est un rêve. Mais alors, qu'est-ce que ça prouve? Mais alors, toi, t'es comme ces imbéciles qui veulent qu'on les pince pour être sûr de pas rêver sans imaginer une seconde qu'ils puissent rêver qu'on les pince. Non, mais alors, Georges, excuse-moi, Georges, mais là, ça tient pas debout, ton histoire. Je me demande de ce qui tient encore debout. Bon, allez, de toute façon, il faut y retourner. Il y a que ça à faire. Le corbillard fait demi-tour. Corbillard, route à travers la forêt. Le corbillard roule doucement. Georges et Eddie cherchent du regard sur le bas-côté l'endroit où ils ont perdu le cercueil. Ils aperçoivent une forme sombre loin dans la neige. C'est là-bas, regarde. Mais en approchant, ils se rendent compte que ce n'est qu'une grosse branche morte dans le fossé. Le corbillard roule presque au pas. Georges et Eddie ont toujours les yeux rivés sur le bas-côté. C'est alors qu'au sommet d'une petite montée, à contre-jour, ils aperçoivent un homme vêtu d'un costume qui marche au bord de la route dans la même direction qu'eux, les mains dans les poches et les épaules relevées. Il passe à sa hauteur, leur regard croise celui de l'homme, on reconnaît le mort. Les croque-morts se regardent, pétrifiés. Eddie stoppe le corbillard quelques dizaines de mètres plus loin. Dans le rétroviseur, le mort presse un peu le pas pour les rejoindre. Eddie cherche le regard de Georges pour une explication, mais Georges ne parvient même pas à prononcer un mot. Le mort frappe soudain à la vitre, côté conducteur. Eddie détourne la tête. Le mort se dévisage dans le rétroviseur extérieur, comme si c'était la première fois qu'il se voyait. Il palpe son nez, maintenant bleu et enflé. Avec l'ongle de son index, il creuse un sillon dans l'épaisse couche de maquillage qui lui recouvre le visage. Puis il observe, intrigué, la pâte grasse qui s'est accumulée sous son ongle. Georges regarde le mort en coin. Celui-ci est absorbé par le fait de se redécouvrir dans le miroir. Il a oublié la présence des deux hommes dans le corbillard. Eddie prend son courage à deux mains et baisse un peu sa vitre. L'homme s'examine maintenant attentivement le blanc de l'œil. On peut vous aider ? Ah, pardon. Eddie détourne le visage, incommodé par l'haleine fétide du mort. Vous avez besoin d'aide ? Pourquoi ? Je sais pas. Vous avez un problème ? Pas de problème, non. Ah bah tant mieux dans ce cas, alors. On va vous laisser, hein, Georges ? Bah oui, bien sûr. On n'a pas que ça à faire, hein. Allez, bah bonne journée alors, monsieur, au revoir. Eddie s'empresse de remonter sa vitre qui résiste sur les derniers centimètres. Il force sur la manivelle. Le mort frappe alors de nouveau à la vitre et le plus calmement du monde lui montre que ce sont ses doigts qui sont coincés entre la vitre et le cadre de la fenêtre. Oh, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Non, mais je suis vraiment désolé, hein. Ça me revient, là. De quoi ? Ce que je voulais vous demander. Ah oui. Oui. Pourriez me déposer au prochain village. Au prochain village. Oui. Oui, mais c'est-à-dire. Alors, ce sera avec plaisir. Mais. Mais c'est parce qu'on est en service, là, vous comprenez. Donc, Oui, c'est bien aimable. Puis le mort fait le tour du corbillard par l'avant. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Comme s'il y avait été invité, le mort ouvre la porte côté passager et monte s'asseoir à la droite de Georges, qui se pousse autant que possible vers Eddie pour éviter tout contact avec lui. Le corbillard se met lentement en route sans que les trois hommes n'échangent le moindre mot pendant un long moment. Ça fait longtemps, hein, qu'on n'a pas eu un hiver aussi rude. Il y a 3 ans, il avait froid aussi. Je me souviens. Oui, ouais, c'est vrai, mais pas comme cette année. Non, pas comme cette année. Voiture famille, route du lac. Le frère conduit encore plus prudemment que la veille, ce qui semble irriter sa belle-sœur qui lui jette un regard noir. On n'avance pas, là. Oui, bon, bah, ça va, on n'est pas à 10 minutes près, non ? C'est qu'on étouffe derrière. Le frère jette un œil dans son rétroviseur. Le prêtre est en train d'écrire un SMS avec une dextérité impressionnante. Le frère finit par accélérer. Corbillard, route sortie de forêt. Le corbillard quitte la forêt. La lumière plus vive éblouit le mort. Il règne toujours un silence pesant. Le mort remarque une bouteille d'eau à ses pieds. Je peux. Georges acquiesce d'un signe de tête. Le mort saisit la bouteille, puis se met à boire de longues gorgées avant de se rincer bruyamment la bouche. Il essuie le goulot avec sa main et tend la bouteille à Georges. Merci bien, non. Non. Tu en veux, toi, peut-être ? Non, ça va, merci. Merci. Le mort boit encore quelques gorgées, puis referme la bouteille qu'il repose à ses pieds. Ellipse. Le mort s'observe dans le petit miroir du pare-soleil. Il essuie le sang séché qu'il a sous le nez avec de la salive dont il humecte son index. Et vous êtes tombé en panne, c'est ça ? Peut-être, oui. Excusez-moi, mais comment peut-être ? Comment ça ? Peut-être ? Bah oui, pourquoi peut-être ? Vous êtes tombé en panne ou non ? Mais j'en sais rien, moi. Ah. Mais vous allez où exactement ? Je verrai bien. Vous pouvez me dire quel jour on est ? Arrête un peu avec tes questions, tu veux, arrête. Arrête. Non, mais vous avez peut-être été renversé par une voiture et le conducteur il s'est enfui. Bah, c'est possible, hein. Et c'est pour ça que... Ah, vous croyez ? Ben, on voit de tout, hein. Vous souvenez bien de votre nom, quand même. Le mort cherche un peu. Son visage s'obscurcit encore. Il secoue la tête pour dire non, désemparé. Corbillard, route cimetière de plaine. Dans un grand virage à gauche, un panneau indique la direction. Cimetière de plaine. À une 50aine de mètres en retrait, on aperçoit le cimetière. Eddie hésite, relâche l'accélérateur et regarde Georges qui hausse les épaules. Le mort ne comprend pas pourquoi Eddie vient subitement de ralentir. Eddie lui sourit et reprend son allure, l'air de rien. Le corbillard s'éloigne du cimetière. Corbillard, route parking, restaurant routier. Le corbillard approche d'un restaurant routier devant lequel on aperçoit quelques camions garés. Au-dessus du parking, des guirlandes de Noël clignotantes attirent le regard. Laissez-moi là, c'est bien ça. Je vais me débrouiller là. Vous êtes sûr ? Oui, bien sûr, c'est très bien. Eddie met son clignotant et quitte la route, mais Georges lui fait un signe discret de la tête pour lui demander de ne pas s'arrêter. Eddie, mal à l'aise, obéit à Georges. Il relance le moteur et regagne la route. Mais ici, là, mais qu'est-ce que vous faites ? Non, on ne peut pas vous laisser là, dans cet état, c'est pas possible. Mais je veux descendre, je vous dis, je veux descendre. Allez, calmez-vous, hein. Stop ! Arrêtez ! Le mort se jette sur la porte qu'il réussit à ouvrir. À l'aide ! Il manque de sauter en marche, mais Georges le saisit vigoureusement. Il parvient à refermer la porte. Le mort se débat en poussant de grands cris. Il griffe le cou de Georges, déchire sa chemise et tente ensuite de saisir le volant. Lâchez ça, mon Dieu ! Et ça suffit, arrêtez maintenant ! Dans la lutte, le mort agrippe alors les cheveux de Georges et se retrouve, stupéfait, avec une perruque dans sa main. Georges lui assène une grande gifle. Le mort se calme aussi sec. Eddie dévisage Georges, à la fois sidéré de ce brusque accès de colère et de découvrir que son collègue portait en fait un postiche. Oui, bon, ça va. Merde, quoi. Georges essaye de remettre sa perruque en se regardant dans le rétroviseur intérieur, mais il n'y parvient pas correctement et finit par y renoncer. Il abandonne et la range dans la boîte à gants, furieux. Restaurant routier. Nous sommes dans le restaurant routier devant lequel le mort souhaitait être déposé. L'endroit est bondé et surchargé de décorations de Noël. Un groupe de cyclistes en maillot et bermuda moulant est assis autour d'une table et prend un petit déjeuner. Georges et le mort sont seuls à une autre table, face à face. Georges, qui ne porte plus son postiche, dévisage le mort. Celui-ci semble mal à l'aise et évite son regard. Avec leur allure débraillée, la fatigue qu'on lit sur leur visage, on les croirait de retour d'une noce. Vous vous sentez comment, là ? Ça va, pourquoi ? Eddie revient des toilettes et regagne la table, l'air enjoué. Alors, vous avez commandé ? J'ai pas très faim, moi. Ah bon ? Moi, j'ai un petit creux, quand même. Ouais, mais ça m'étonne pas. Le serveur arrive à leur table. Messieurs, bonjour. Ouh, la nuit a été chaude, on dirait. Qu'est-ce que je vous sers ? Trois formules petit-déj, s'il vous plaît. Avec trois cafés ? Eddie et le mort acquiescent d'un hochement de tête. Moi, pas de formule, juste un grand café pour l'instant. C'est parti ! Le serveur s'éloigne. Les trois hommes se regardent. Bon, vous pouvez m'expliquer maintenant ? Ouais, alors... en fait, c'est que c'est pas facile. Comment vous dire ? Georges, faudrait peut-être... Je pense qu'il faudrait reprendre depuis le début. Et depuis quel début ? Et puis t'as qu'à lui dire, toi, si t'as compris quelque chose... Georges quitte la table et s'éloigne. Eddie, embarrassé, se retrouve seul face au mort. Il faut l'excuser, hein, c'est fou, en fait. C'est assez incroyable. C'est pour ça que... Oh là là là là... En fait, ça va peut-être vous faire un choc, hein, je vous préviens. Venons-en au fait. Ouais. Excusez-moi, juste un petit détail à régler d'abord et je reviens. Hein. Eddie quitte la table pour rejoindre Georges. Le mort, inquiet, le regarde s'éloigner. Alors ? Je sais pas si on fait bien de lui dire comme ça. Moi, j'ai peur que ce soit trop tôt. Ça pourrait le tuer, tu sais, d'apprendre ça comme ça. Le tuer ? Il est pas censé être déjà mort, non ? Et je te rappelle que c'est toi qui lui as promis des explications tout à l'heure, et sans me demander mon avis. Ouais, mais attends, j'avais pas le choix, tu le sais très bien. Non, moi je crois qu'il faut appeler Svek, là. On peut pas prendre cette responsabilité tout seul. Ouais, parce que tu penses qu'il va nous croire. Tous les deux se dirigent vers le coin téléphone. Ils repassent devant leur table, le mort les dévisage. On arrive, hein ? Du coin téléphone, ils ont une vue d'ensemble sur la salle. Georges sort une pièce de sa poche et décroche le combiné. À table, le mort les surveille du coin de l'œil et semble redoubler d'inquiétude. À plusieurs reprises, il jette un regard en direction de la sortie. C'est quoi ? C'est le numéro ? Eddie compose le numéro. Georges attend la première sonnerie, puis surprend Eddie en lui mettant le combiné entre les mains. Allô ? Maison Zweig, bonjour. Allô ? Qui est à l'appareil, là ? C'est à quel sujet ? Allô ? Excusez-moi, j'ai dû faire une erreur. Madame Ziska ? Mais comment ça... Oui, qui demandez-vous ? Qui est à l'appareil ? C'est Eddie, Madame Ziska. Ah, Eddie ! Je vous avais pas reconnu. C'est Monsieur Zweig qui m'a demandé de tenir le standard. D'accord, mais en fait, c'est à lui que je voulais parler, justement. Ah, mais malheureusement, il est absent pour le moment. Ah, mince. Et vous savez où il est, là ? Ah, il est en réunion, à l'extérieur. Madame Ziska, s'il vous plaît. Mais c'est ce qu'il m'a dit de répondre. Oui, je sais, mais à moi, vous pouvez le dire. J'ai pas tout compris, en fait. D'abord, il m'a parlé d'un lac, et puis il m'a dit au cimetière. Il savait pas trop lui-même, il était dans un drôle d'état. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Zweig qui se ramène. Oh, putain, il manquait plus que ça. Eddie remarque que le mort n'est plus à sa table. Eh ? C'est pas vrai. On entend la voix de Madame Ziska qui provient du combiné et qu'Eddie semble avoir oublié. Est-ce que je peux laisser un message ? Eddie raccroche au nez de Madame Ziska. Les deux hommes, paniqués, cherchent le mort du regard dans tout le restaurant. Georges l'aperçoit alors à travers la baie vitrée. Sur le parking, le mort vient d'enfourcher le vélo de l'un des cyclistes et s'éloigne avec beaucoup de difficultés. Oh, putain de merde ! Le mort traverse sans précaution la route en zigzagant. On entend de grands coups de klaxon. Un camion manque de l'écraser, une voiture l'évite de justesse. Il parvient pourtant sain et sauf de l'autre côté de la route. Oh le con ! Route restaurant routier, extérieur jour. Toujours à vélo, le mort avance doucement et péniblement sur la route. Il se retourne souvent. Dans son dos, au loin, voyant que le corbillard se rapproche de lui, pour le semer, il décide brusquement de faire demi-tour, repart dans l'autre sens et croise le corbillard. Le corbillard s'arrête. À travers la vitre du véhicule, on aperçoit Georges qui secoue la tête. Eddie est alors contraint de faire une manœuvre compliquée pour faire demi-tour. Puis le corbillard repart tranquillement dans l'autre sens à la poursuite du mort qu'il rattrape sans difficulté. Eddie se place à sa gauche et roule doucement à sa hauteur. Georges baisse sa vitre pour lui parler. Allez, montez, il faut qu'on discute, c'est tout. Le mort, imperturbable, regarde droit devant lui. Il appuie sur les pédales et prend un peu de vitesse. On va tout vous dire. À bout de patience alors, Georges se retourne et prend un paquet emballé de papier Kraft. Il le déballe sous les regards furtifs et inquiets du mort. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais lui rafraîchir la mémoire, moi. Mais attends, Georges ! Georges se penche à travers la vitre et met ce qu'il vient de déballer sous le nez du mort. Une petite plaque funéraire qui porte la photo du mort en médaillon avec son nom inscrit en dessous. Simon Barthélémy. Sous sa photo est inscrit sur le marbre « Nous ne t'oublierons jamais ». Ça vous revient, là ? Vous remettez ? Les yeux rivés sur la plaque, le mort semble choqué. Il dévite sa trajectoire et termine son échappée dans le fossé et dans la neige. Carrefour, autre direction. Le véhicule de Zweig passe le carrefour où le corbillard était passé la veille. Cimetière de plaine. Perdu au milieu d'une plaine enneigée, un petit cimetière à proximité d'une enfilade d'éoliennes. Toutes les tombes sont couvertes de neige, sauf une. Le vent souffle. Juste à côté du cimetière, les pales des éoliennes tournent rapidement. Le mort se recueille devant sa propre tombe ouverte, qui n'attendait que lui. Il tient la plaque funéraire sous son bras. Le vent soulève de petits nuages de neige poudreuse. À côté de la tombe, une petite pelleteuse mécanique et un monticule de terre au sommet duquel est plantée une pelle. Eddie se tient à côté du mort et semble se recueillir également. Georges, impénétrable, se tient un peu en retrait derrière les deux hommes et regarde fixement la nuque du mort. Comme s'il sentait alors le regard appuyé de Georges dans son dos, le mort se retourne vers lui et croise son regard. Georges détourne aussitôt les yeux, mal à l'aise. Puis il se signe et s'éloigne de la tombe. Georges passe alors devant un tombeau plus imposant encore que celui qu'on a découvert sur sa photo. Il ralentit, l'observe un court instant, puis se dirige vers la sortie du cimetière. Devant la tombe, le mort regarde sa plaque funéraire en la tenant à bout de bras. J'ai beau me le répéter, ce nom, eh ben, ça ne me dit rien. Après un tel choc, c'est normal, hein. Mais tout va sans doute vous revenir petit à petit. Puis le mort jette sa plaque dans sa tombe, au fond de laquelle elle se brise. Cimetière de plaine, devant l'entrée, extérieur jour. Georges passe la porte du cimetière pour regagner le corbillard. Arrive une petite moto très bruyante. Ce sont les deux fossoyeurs communaux de la veille. Lorenzo, le passager, descend de la moto. Il observe le piteux état du corbillard et la dégaine de Georges avant d'aller à sa rencontre. Vous êtes de chez Zweig et fils ? Ouais. Ça va ? Peinard ? Pardon ? Vous savez qu'on vous a attendu plus de 2 heures hier. Ah, je suis pas au courant, moi. C'est vous voyez ça avec le jeune homme, là-bas. Puis il leur tourne le dos et s'en va vers le corbillard. Les deux hommes se regardent, puis se dirigent vers la porte du cimetière. Cimetière de plaine, tombe d'une mort. Devant sa tombe, le mort est encore en train de se recueillir. Eddie a le nez en l'air et regarde longuement un vol d'oiseaux qui passe au-dessus d'eux. Puis il se tourne vers le mort. Je voudrais pas vous bousculer, mais on va peut-être se mettre en route, non ? Bien sûr. Puis remarquant que le mort semble frigorifié, il retire son manteau pour le lui poser sur les épaules. Tenez, c'est pas le moment de prendre froid. Merci. Au même moment, les fossoyeurs communaux arrivent au niveau de la tombe, semblant également intrigués par la dégaine d'Eddie et du mort. Il se passe quoi avec vous, là ? J'ai jamais vu ça, moi, hein ? On vous a attendu tout l'après-midi hier, et vous arrivez le lendemain matin, tranquille. Non, alors ça, faudrait voir avec mon chef d'équipe. C'est pas vous le responsable ? Ah non. Bah, c'est vous ? En quelque sorte, oui, c'est moi. Mais pas comme vous l'entendez. Quoi ? Non, mais ça tourne pas rond dans votre boîte, hein ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement de programme. Ça a été annulé. Annulé ? Mais vous vous foutez de moi ou quoi ? Ça fait une paire d'années que je fais ce métier, jeune homme. J'en ai vu de toutes les couleurs, mais j'ai jamais rien vu d'annulé. Mais si je vous le dis... Ce sera facturé quand même, hein. Faut pas croire. Je te jure, viens, on rentre. Cimetière de plaine, devant l'entrée. Georges est appuyé contre l'avant du corbillard, pensif. Il regarde les deux fossoyeurs communaux quitter le cimetière et repartir sur leur petite moto. Cimetière de plaine, tombe du mort. Eddie se signe, ainsi que le mort, et tous deux s'éloignent de la tombe et redescendent l'allée centrale. Le mort est ému. Ça va ? Le mort sourit et acquiesce d'un long hochement de tête. Emporté par un soudain élan d'affection, Eddie lui donne une tape amicale sur l'épaule. Le mort paraît à la fois touché et physiquement ébranlé par ce geste inattendu. Puis il enfile le manteau d'Eddie jusque-là posé sur ses épaules. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Eddie sourit, ému lui aussi de vivre ce moment. Cimetière de plaine, devant l'entrée. Eddie et le mort rejoignent Georges qui les attend, toujours appuyé contre l'avant du corbillard. Le mort monte le premier et prend place à côté d'Eddie. Georges monte après lui et referme la portière. Le rétroviseur se déboîte et tombe en pendouillant après son ressort. Mais Georges ne se donne plus la peine de le remettre en place. Mais en tout cas, on va parler de vous, c'est sûr. Hein. Et puis pas seulement dans la région. Et si après ça, on n'a pas une augmentation ? Une décoration, ouais. Ouais, on n'a fait que notre travail. Hein. Le corbillard démarre et s'éloigne. Appartement de Sarah, intérieur jour. Sarah est debout à sa fenêtre, un mug entre les mains. Près d'elle, par terre, joue une petite fille de 2 ans environ. Au dehors, s'étend une grande ville. Et juste au pied de l'immeuble, un immense cimetière sur lequel donnent les fenêtres de l'appartement. Sarah, songeuse, esquisse un petit sourire, puis prend son portable et compose un numéro. Voiture Zweig, station-service, intérieur-extérieur jour. La voiture de Zweig est garée devant la station-service où Georges et Eddie s'étaient arrêtés pour la nuit. Le téléphone de Zweig, oublié sur le siège passager, se met à sonner. Zweig, l'air renfrogné, sort de la station-service et se dirige vers sa voiture. Le téléphone se tait. Faut attendre le patron, je peux rien faire. Non mais, on croit rêver, ma parole. Il monte dans la voiture, puis démarre. Route éolienne. Le corbillard s'éloigne du cimetière en longeant les éoliennes. On devrait y être d'ici une petite heure à peine. J'imagine déjà la tête de Zweig, dis donc. Zweig, c'est notre patron. Ah oui, j'espère qu'il n'est pas fragile du cœur au moins. Route station-service. La voiture de la famille passe devant la station-service. Pierre, je me sens pas très bien. Paul, moi non plus. Oui, ben moi non plus, je me sens pas bien. Allez, je prends sur moi. Route éolienne. Le corbillard est monté sur un creek, égaré juste à proximité d'une éolienne dont les ombres des immenses pales en mouvement se projettent sur le sol. Eddie est agenouillé sur la chaussée devant la roue arrière gauche du véhicule. Il essaye de mettre en place la roue de secours à bout de bras, mais n'y parvient pas. George et le mort se tiennent debout derrière lui et observent ses gestes. Le mort porte toujours le manteau d'Eddie. Il est coiffé du bonnet de femme trouvé dans la boîte à gants. Si je peux me permettre, je crois qu'il faudrait la monter. Encore un peu plus, ce serait plus simple. C'est ce que j'allais dire, exactement. Puis les deux hommes échangent un sourire moqueur. Eddie suit leur conseil et donne encore quelques tours de manivelle pour faire monter davantage le corbillard. Le mort s'éloigne un peu et se met à faire quelques pas autour du corbillard en s'étirant longuement. Eddie met la roue en place. Il serre ensuite les écrous avec la manivelle du creek, puis il fait descendre le véhicule avant de les serrer à bloc. George intervient. Laisse-moi faire, va, laisse-moi faire, on sait jamais avec toi. Eddie obéit et se relève pour céder la place à George qui s'agenouille devant la roue. Eddie fait rouler la roue crevée jusqu'à l'arrière du corbillard et la jette par-dessus les débris du cercueil. Derrière eux, le mort fait maintenant des petits sauts par-dessus les ombres des pales de l'éolienne qui glissent sur le sol comme s'il s'agissait d'une véritable hélice qu'il lui fallait à tout prix éviter. George se relève et serre encore les écrous à bloc avec son pied sur la manivelle. Mais celle-ci n'est pas bien en place sur l'écrou. Et lorsqu'il donne un coup de pied dessus, le creek lui échappe des mains et tombe par terre. Le mort s'approche de lui. Vous voulez un coup de main ou ça va aller ? Puis le mort fait un clin d'œil à Eddie qui lui répond par un petit sourire complice. Ça va aller. George donne encore quelques petits coups de talon sur la manivelle. Puis, alors que le mort va pour regagner sa place à bord du corbillard, George se redresse, fait un pas vers lui et le frappe d'un grand coup de manivelle derrière la tête. Eddie, horrifié, pousse un cri d'effroi. Le mort chancelle un instant, puis s'effondre en s'agrippant à la porte avant gauche restée entrouverte. George frappe une seconde fois, mais il le manque et donne un grand coup de manivelle dans la portière en enfonçant la tôle. À terre, de ses yeux révulsés, le mort cherche le regard d'Eddie face à lui, pétrifié. George frappe une dernière fois et achève le mort. Eddie et George se regardent un court instant. George laisse tomber la manivelle du creek, s'arrange un peu nerveusement, s'essuie le nez du revers de la main, resserre le nœud de sa cravate, passe sa main dans ses cheveux. Eddie reste planté là. Il dévisage son collègue, incapable de faire le moindre geste. Me regarde pas comme ça. George ramasse la manivelle du creek et va la jeter à l'arrière du corbillard. Je veux pas d'histoire, moi. C'est mieux que tout soit rentré dans l'ordre, pour tout le monde, crois-moi. Non mais George. Allez, allez, il faut finir le boulot maintenant. On retourne au cimetière. Allez, aide-moi. Sans perdre de temps, George se penche au-dessus du mort et le retourne sans précaution pour lui retirer le manteau d'Eddie. Il se redresse et rend son manteau ensanglanté à son collègue. Ah tiens. Eddie fait un pas en arrière. Dans un geste de colère, George lui jette le manteau qui tombe au pied d'Eddie. Tu l'as tué ? Il était déjà mort. Allez, viens maintenant. Tu m'entends, ouais ? Mais qu'est-ce que tu fais, bordel de merde ? Eddie marche rapidement sur la route en s'éloignant de George, qui s'époumonne au loin. Eddie, merde, reviens ! Où tu vas ? Eddie se retourne régulièrement, apeuré, et aperçoit la silhouette de George, qui s'est mis à traîner le mort par les pieds. Il presse encore le pas. On voit George, au loin, qui parvient difficilement à charger le mort à l'arrière du corbillard. Eddie se met à courir sur quelques dizaines de mètres, puis se retourne encore. George est maintenant au volant du corbillard et tente désespérément de démarrer. On aperçoit les soubresauts pathétiques du véhicule qui fait demi-tour vers le cimetière. Cimetière de plaine, tombe du mort. Georges, essoufflé et en nage, donne de grands coups de pelle frénétiques sur la tombe pour tasser la terre avec laquelle il vient de la reboucher. Dans son dos, Zvek apparaît au bout de l'allée centrale. L'air à la fois furieux et stupéfait, Zvek s'approche de Georges, marque un arrêt au milieu de l'allée et l'observe un instant. Georges ne remarque pas Zvek et poursuit son travail en marmonnant quelques mots incompréhensibles. Georges ! Georges, il se passe quoi avec vous ? Vous avez foutu quoi, bon Dieu ? Georges s'interrompt et se retourne vers Zvek. Son arrivée ne le perturbe même pas. Il lui jette un regard et se remet aussitôt au travail. Zvek semble consterné par l'allure de Georges. Son costume est dans un piteux état, il ne porte plus son postiche, il est mal rasé, sa cravate est défaite et sa chemise déchirée a le col maculé de sang. Zvek remarque la griffure dans son cou. Non mais il t'est arrivé quoi là ? Non mais t'as vu un peu l'état de la voiture ? Si tu crois que ça a été facile, hein ? Je te jure. Et Eddie, il est où ? Eddie, j'aime autant qu'on m'en parle plus, tu vois ? Eh ben, va falloir quand même que tu t'expliques, mon vieux. Ils sont soudain interrompus par le bruit d'une voiture qui arrive et se gare devant le cimetière. Les deux hommes se tournent en direction du bruit. Au bout de l'allée centrale apparaissent alors la famille du défunt, le prêtre et les enfants de cœur, sous le regard consterné de Zvek. C'est pas vrai. Bordel ! Le prêtre porte encore le blouson du chasseur. Pierre, l'enfant de cœur, la doudoune orange du prêtre et Paul, son frère, le manteau au col en fourrure de la veuve. La veuve et le frère ont chacun une épaisse couverture sur les épaules. Le groupe remonte l'allée du cimetière à grands pas. Ellipse. Tout le monde se recueille autour de la tombe. La veuve, le frère du défunt, ainsi que Georges et Zvek, un peu en retrait, qui font ce qu'ils peuvent pour avoir l'air de deux professionnels. Aux côtés du prêtre, les deux enfants de cœur. L'un tient le bénitier, l'autre la grande croix en métal. Après cette nuit blanche, les visages sont pâles, les traits sont tirés. On dirait une assemblée de déterrés. Il règne une ambiance de non-dit. Les uns et les autres s'observent, chacun dans ses petits souliers, responsable ou coupable de quelque chose. Personne n'ose poser de questions. Zvek, lui seul, est vêtu d'un costume impeccable. Il observe la scène, sidéré et impuissant. Soudain, son téléphone sonne. Il le sort de sa poche pour s'empresser de l'éteindre. Mais lorsqu'il voit qu'il s'agit de Sarah, il s'éloigne du groupe, décroche et entame une conversation avec sa fille. Le prêtre achève sa prière silencieuse et relève la tête. Pierre lui tend le bénitier vide. Le prêtre se saisit du goupillon et bénit la tombe. Amen. Boutique pompe funèbre, bureau Zvek. Madame Siska est au téléphone. On découvre que la vieille femme est assise à un petit bureau, rajouté dans le bureau de Zvek. Elle est pimpante et ne porte plus sa Minerve. Elle est vêtue légèrement. Est-ce que vous savez, monsieur, qu'une étude vient de montrer que les personnes qui souscrivent un contrat obsèque vivent plus longtemps que celles qui n'en souscrivent pas ? Soudain, elle semble moins concentrée. Son regard est attiré par l'arrivée du corbillard devant la boutique. Le véhicule semble flambant neuf. On remarque qu'il n'y a plus de neige dehors et que le soleil brille. Nous sommes au printemps. Eh oui, parfaitement, monsieur. Une étude américaine. Le conducteur, que l'on n'aperçoit pas, ne semble pas très sûr de lui. À plusieurs reprises, il recommence une manœuvre très compliquée et parfaitement inutile. Zvek entre dans son bureau avec un dossier sous le bras et voyant que Madame Siska regarde fixement au dehors, il regarde dans la même direction qu'elle. Il grimace en voyant le corbillard qui tente de se garer à côté de sa voiture en manquant de l'emboutir. Finalement, le corbillard s'immobilise, très mal garé. C'est ça, c'est à vous de voir, monsieur. Au revoir, monsieur. Madame Siska raccroche, les yeux toujours rivés sur le corbillard. Le conducteur en sort. On découvre qu'il s'agit de Georges, l'air plutôt fier de lui, d'y être parvenu. Georges est vêtu d'une chemise à manches courtes. Il porte sa veste dans la main. Il semble avoir renoncé définitivement à porter son postiche. Zvek jette un regard préoccupé à Madame Siska. Cimetière de plaine, tombe du mort. Extérieur jour. Il n'y a plus de neige. Les arbres sont verts. Eddie est en train de se recueillir devant la tombe. Ses cheveux sont un peu plus longs. Il porte une petite barbe. C'est pas comme ça et c'est pas ici que j'aurais voulu que ça se finisse, cette histoire. Et souvent je me dis, mais si seulement on avait une seconde chance. Mais je sais bien que c'est trop tard. Et ce qui me console alors, c'est quand je regarde les étoiles à ma fenêtre et que je me dis que parmi toutes celles que je vois, il y en a qui sont morts depuis bien longtemps déjà. Et pourtant, elles brillent encore. Eddie se signe et esquisse un petit signe de la main en direction de la tombe. Puis il se retourne et regagne l'allée centrale pour se diriger vers la sortie du cimetière. Parking cimetière. Un homme d'une soixantaine d'années l'attend adossé à un véhicule. Il s'agit de son collègue. Eddie se dirige vers lui. Hey, oh, t'as vu l'heure? Hein? Eddie fait profil bas et presse le pas pendant que l'homme prend place côté passager. On découvre que le véhicule vers lequel il se dirige est une ambulance. Eddie s'y installe côté conducteur. L'ambulance démarre. Route cimetière, extérieur jour. L'ambulance s'éloigne en longeant l'enfilade d'éoliennes jusqu'à devenir un petit point blanc à l'horizon. Dis-moi, c'est quoi ça? De quoi? Ça, c'était dans le vide-poche. Fais voir. Ben ça, c'est une pince à cheveux, non? Et qu'est-ce que ça fait là? Ben, j'en sais rien, moi. Restaurant La Pagode, intérieur nuit. Le patron, le pilier de bar, Georges et Svek, sont assis à une table joliment dressée. Une serviette nouée autour du cou, ils dégustent en silence le homard de l'aquarium dont les deux moitiés gisent dans un plat. L'ambiance est un peu triste. Le patron attrape la bouteille de vin blanc, serre les trois hommes et porte un toast vite expédié en l'honneur du pilier de bar. Tout le monde lève son verre. Allez, à la tienne. Allez, joyeux anniversaire. Merci les gars. Et ça te fait quel âge alors maintenant? Georges le regarde d'un air réprobateur. Dans l'aquarium derrière eux, le poisson japonais, définitivement seul, fait onduler ses grandes nageoires. Scénario de Joël Eglof et Gérard Poutonnier, lu par Marie Berthaud, Jean-Pierre Bacry, Arthur Dupont, Sam Carman, Gabriel Dufay, Théodore Atkin, Philippe Duquesne et Philippe Rebaud, et mis en musique par Rodolphe Burget. Réalisation pour la radio Benjamin Habitant, conseiller littéraire Céline Geoffroy, équipe technique Jean-Louis Deloncle, Philippe Thibault et Bastien Varigaud, assistante à la réalisation radio Louise Doubrieux. Scénario adapté du roman de Joël Eglof, Edmond Ganglion et fils, aux éditions du Rocher. Un partenariat France Culture, Festival Premier Plan d'Angers. Bonsoir Joël Eglof. Bonsoir. Et bonsoir Gérard Poutonnier. Oui, bonsoir. Vous êtes tous les deux ce soir dans le studio 106 pour l'enregistrement en public de Grand Froid, Donc, alors, c'est une longue histoire, un scénario qui est adapté d'un livre de vous, Joëlle Gloff. Mm-hmm. Donc, un livre adapté pour le cinéma, dont on fait un scénario, et finalement qui est lu à la radio et qui va être bientôt tourné. Tout ça avec le festival Premier Plan d'Angers, puisque vous avez reçu le prix du public du meilleur scénario. Alors, peut-être pour commencer, comment, effectivement, vous vous êtes rencontrés, le réalisateur, l'adaptateur et l'auteur, finalement, Gérard Potonnier. Voilà, en tant que réalisateur, j'avais lu un des romans de Joëlle Gloff, qui s'appelait « L'étourdissement », qui est un roman qui avait gagné un prix, le prix du livre inter. Prix du livre inter. Et voilà, j'ai essayé de retrouver cet auteur. Et donc on s'est contacté assez facilement. Et je lui ai présenté un peu ce que je faisais. Je lui ai dit que j'aimais beaucoup son roman et que je voulais écrire un court métrage, déjà une petite adaptation de ce premier roman que j'avais adoré. Et j'ai ensuite lu ses autres romans, bien sûr, jusqu'à tomber sur Edmond Ganglion et fils, qui est devenu maintenant Grand Froid. Pourquoi vous l'avez appelé Grand Froid ? Le titre vous est venu naturellement, parce qu'entre Edmond Ganglion et fils et Grand Froid, disons qu'il y a un grand écart. Ça, c'est Joëlle qui peut répondre, mais on n'assumait plus vraiment ce titre. Oui, puis c'est vrai que c'était déjà un titre... le livre était paru en 99, c'était mon premier roman... Moi, j'avais besoin aussi de couper les ponts avec ce livre pour pouvoir l'adapter, pour pas m'ennuyer. Et Gérard m'a aidé à ça. Il se trouve que le livre se passe au cours d'un été caniculaire et que le film se passe au cours d'un hiver très froid. Déjà, on a pris le contre-pied. Et donc, Grand Froid s'imposait à ce titre-là, et puis aussi par rapport au sujet, au thème dont il parle, enfin, qui est la mort, en fait, entre autres. Joëlle Gloff, vous aviez déjà travaillé pour le cinéma ou c'était la première fois Potonnier. Disons que j'avais fait une... Avant de me mettre à écrire des romans, j'avais fait une école de cinéma, je me destinais un peu à ça. J'avais l'intention d'écrire, et peut-être même de réaliser. J'avais eu différentes expériences dans le domaine de l'écriture, mais qui n'avaient jamais abouti. Enfin, il n'y a jamais eu de... J'ai écrit des scénarios, mais les films n'existent pas, n'ont jamais été tournés. Et c'est en fait c'est grâce à Gérard qui m'a contacté. Ça fait déjà quelques années que j'ai pu remettre le pied à l'étrier et puis redécouvrir mes premiers amours et le plaisir de travailler à deux aussi, ce qui est très différent du travail de romancier. Et quand on dit adaptation, donc Joëlle Gloff et Gérard Potonnier, et puis dialogue Joëlle Gloff, ça veut dire que vous avez travaillé plus particulièrement sur ces échanges, ces dialogues entre les personnages. Alors moi j'ai travaillé avec Joëlle plutôt la structure et l'esprit un peu. En fait, c'est un réalisateur et un romancier qui ont écrit ensemble un scénario. C'est pas deux scénaristes. Mmh. Donc on s'est croisés, on a confondu nos deux expériences, en fait, nos deux univers. Donc c'est vrai que moi je me sens incapable d'écrire un dialogue. C'est pas mon truc. Je suis très imagé, je travaille beaucoup sur la structure, sur l'esprit global du film. Mais je voulais surtout pas je voulais surtout garder l'esprit de Joëlle Gloff dans son jus, en fait, qui est tous ces romans, on les distingue vraiment par des très beaux dialogues. Donc voilà, je voulais absolument garder ça, et donc je me suis retiré très très rapidement de l'écriture des dialogues, assez vite. J'étais plutôt même content de pas les écrire. Donc voilà, je pense que c'était important pour qu'on ait cet esprit-là, ce scénario-là et ce film-là aura vraiment l'empreinte de nos deux univers, en fait. Ça se passe dans une... Enfin, le point de départ, c'est une ville un peu perdue. On ne sait pas trop où, peu importe. On ne sait pas trop quand non plus. Enfin, voilà, un univers plus ou moins contemporain. Mais sans repère géographique ni temporel précis. Et puis, dans cette ville, un commerce de pompes funèbres qui vit ces derniers mois. Enfin, voilà, on sent que les affaires vont très mal. Sauf qu'un jour, il y a un mort. Il y a déjà plus que deux employés dans cette entreprise. Et donc un jour, heureusement, un mort survient. Et on peut dire que les affaires reprennent, voilà. Et c'est le point de départ d'un convoi funéraire qui va s'égarer. Et à partir de là vont arriver des tas de complications, on va dire. Et ce film, il y a trois parties. Il y a une partie, effectivement, qui se passe dans une ville, qui est une ville balnéaire hors saison, comme on dit. Donc il n'y a plus de vie, finalement, parce que pour une entreprise de pompes funèbres, la seule manière de vivre, c'est qu'il y ait des morts. Donc il y a toujours cette espèce de contradiction, ces paradoxes entre la vie et la mort dans ce film-là. On suit deux personnages principaux qui sont Georges joué par Bakri et Eddie joué par Arthur Dupont. Donc Zweig, qui est le patron de cette petite entreprise de pompes funèbres, qui sera joué par Olivier Gourmet. Voilà, c'est tout part de ce trio-là qui ont une vision différente, tous, sur la mort. Eddie, qui est le jeune, qui a à peu près 20-25 ans, c'est quand même quelqu'un qui lui est un peu extérieur à ce milieu-là. Il est plus proche de la vie que de la mort. Il est tombé un peu par hasard là et ça lui convient pas vraiment. Et c'est pour ça que, effectivement, à un moment donné, un mort arrive, redonne un petit peu de vie à cette petite entreprise de pompes funèbres. Mais voilà, comme c'est un scénario, il faut qu'il se passe des choses aussi. La famille du mort a décidé d'enterrer le défunt dans un cimetière qui est très très très loin, très éloigné. Et c'est là que commence le road movie, en fait, on va dire, entre le corbillard et la famille du défunt qui suivent et qui vont tous deux se perdre dans les plaines enneigées de nulle part d'ailleurs, puisque ce film, l'univers de ce film est assez intemporel, donc on a du mal à, mais c'est un mélange, c'est un univers assez particulier. On essaye d'être intemporel et on essaye aussi que le personnage, que l'un des personnages qui est aussi important que les autres, c'est le temps, c'est l'espace. C'est les grands espaces où les gens se perdent. C'est la couleur blanche aussi, donc la neige. Ce que j'ai eu, moi, quand je lisais le scénario, j'ai ri. Est-ce que c'est normal de rire dans oui, ce scénario? c'est un peu le propre de l'humour noir. Vous autorisez à rire? Oui, on est. Voilà, c'est le. Moi, j'aime beaucoup l'humour noir, mais c'est on est toujours dans du rasoir. On ne sait pas si on a le droit de rire ou pas. Voilà, et je pense que c'est ça tout le long du film, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on s'autorise à rire, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment, et on travaille là-dessus, quoi. C'est ce qui nous plaît. Mais c'est à la fois très poétique. Je trouve, hein, en tout cas, là je vends l'univers des Gloffes, mais c'est toujours beaucoup de poésie dans les dialogues, dans le rapport humain entre les gens. Il y a jamais d'agressivité. Il y a des personnages qui sont singuliers, même s'ils sont de passage, ils sont très caractérisés. Donc, y a beaucoup, beaucoup de personnages comme ça qui passent et qui ne repassent pas et qui fonctionnent très bien aussi. Qu'est-ce qui vous a surpris qu'est-ce que ça vous a donné finalement ou apporté d'entendre ce scénario à plusieurs voix, peut-être dans la préparation? Bon, pour la petite histoire, nous, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Donc c'est vrai que là, on est en train de grâce à France Culture et puis au Festival d'Angers, on a vraiment l'opportunité d'entendre ce qu'on a fait et ce qu'on a créé depuis 4 ans. Et c'est juste, pour nous, c'est beaucoup d'émotions par rapport au temps qu'on a passé dessus. Et aussi à la satisfaction d'avoir des comédiens aussi bons, aussi talentueux, qui sont d'accord pour essayer de j'allais dire mettre en image, mais de faire vivre les personnages qu'on a pensé et écrit pendant un paquet de temps. C'était, j'imagine, une belle rencontre avec le public aussi à Angers, lorsque vous l'avez lu pour la première fois, pour la lecture fois de scénario. Oui. Bon, c'est assez solitaire, malgré tout, comme travail, voilà. Et là, on avait un retour en direct de ce qu'on avait écrit. Oui, le rire, on a bien écouté où les gens rient, à quel moment, pourquoi, de quelle façon aussi. C'est important pour nous de savoir de quelle façon rient les gens. Parce que c'est justement, dans l'humour noir, c'est compliqué. Donc on sent des rires étouffés, on sent des rires qui sont plus pour s'exprimer. Vous allez tourner quand, ce film? Il a été reculé plusieurs fois parce que effectivement c'est un tournage qui doit se passer exclusivement en hiver. Et donc quand on dit c'est le 1er janvier, il faut qu'on soit tous sur le pont. Et voilà, on devrait tourner en France, Belgique et Pologne. Où est-ce qu'il y a le plus de neige? Alors, plus de neige, c'est drôle parce que cet hiver, il n'y en avait nulle part en Europe. Donc, c'est aussi, ça a été l'un des problèmes. Tournez pas au Canada. Non. On a commencé, j'ai fait des repérages au Canada, j'ai fait des repérages en Bulgarie. J'ai trouvé que le Québec, en tout cas, était presque Euro Disney pour moi, surtout avec des petites maisons en bois, comme ça, blanches. Donc, ça fonctionnait pas trop. Donc, je préfère les décors de l'Est, qui sont plus en béton, qui sont plus intemporels. Donc on a choisi finalement la Belgique et la Pologne, bien sûr. Le processus d'un film, c'est aussi long qu'un processus d'écriture d'un livre. Non, c'est très différent. C'est très différent. C'est beaucoup plus long, pas dans le travail en lui-même. On pourrait écrire un scénario, une première version. Simplement, là, on en est à la... Gérard les a comptés. Enfin, ouais, beaucoup, 21e. Voilà, 21e version. Mm-hmm. Il y a rarement 21 versions d'un roman. c'est un exercice très différent. Oui. Les difficultés, j'ai l'impression que parfois, ce qui fait la qualité d'un roman fait les défauts d'un scénario et vice-versa. Joël Egloff et Gérard Poutonnier, je vous remercie beaucoup. En fait, je vous souhaite surtout de tourner ce film Grand Froid, avec beaucoup de neige, tout début 2016, donc j'imagine. Et puis, évidemment, on sera avec les auditeurs et nous, et bien, nous irons voir le film quand il sortira sur les écrans. Merci. Merci. Merci.